voitures qui pourraient voler. Pourtant, 16 ans après ce changement de millénaire, les transports n'ont pas vraiment évolué. Depuis 50 ans, les avions ne vont pas plus vite. C'est même l'inverse, avec la disparition du Concorde. Et les voitures qui se changent en avion n'existent que dans la trilogie Retour vers le futur. Alors, il reste les folles initiatives de quelques individus. Elon Musk est l'un d'entre eux. Avec l'Hyperloop, le créateur de PayPal et des voitures Tesla, veut maintenant révolutionner les transports avec sa capsule sur coussin d'air propulsée par champ magnétique. La capsule voyagerait dans des tubes à quasiment la vitesse du son. 1102 km/h sont prévus pour le moment. C'est plus rapide qu'un avion. Le même Elon Musk, via sa société SpaceX, souhaite également coloniser la planète Mars. L'objectif pour la société qui officie déjà en tant que sous-traitant pour la NASA est d'envoyer des humains à la surface de Mars dans les 10-20 ans à venir. Et le premier amarcissage d'une capsule Dragon est prévu pour 2018. Déjà, cette société a testé à plusieurs reprises et avec succès les fusées réutilisables, les Falcon 9 notamment, qui une fois lancées peuvent venir se reposer sur Terre, ou d'ailleurs en l'occurrence sur des plateformes en pleine mer. Un autre enfant peut être frustré de ne pas avoir vécu l'an 2000 comme on lui avait promis quand il était petit, vient de faire parler de lui, c'est Larry Page, le cofondateur de Google et actuel PDG de Alphabet, la maison mère de Google notamment. L'homme rêve de voitures volantes. Bloomberg vient de découvrir que la 12e personne la plus riche du monde finance en effet depuis 2010 et en secret, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, une entreprise de 150 personnes qui travaille sur des projets de voitures volantes électriques plus ou moins autonomes qui pourraient décoller et atterrir à la verticale. Elon Musk et Larry Page font donc partie de ces hommes qui rêvent de changer le monde et ou, tout au moins, qui contribuent à faire rêver les générations actuelles. Belle journée. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you the one, I want to want it. And if you want, Jason Derulo qui déroule le tapis rouge pour Cécile Thomas pour leur journal dans deux minutes. Pour Claude Montané, t'en veux ? Salut Claude. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors ça quoi, ça en a fait un peu spécial, le logiciel libre, c'est quoi ça? Ouais, c'est le monde des nouvelles technologies, de l'informatique qui est au cœur de l'émission Allo Première et avec nous des spécialistes. Jacques, pour en parler, un accent particulier sera mis sur le logiciel libre et cette question qui dérange parfois, le logiciel libre est-il vraiment gratuit? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre par libre et quel est le prix de cette liberté? Avec cette question, sommes-nous vraiment libres derrière un ordinateur? On en parle dès 8h15. Sur la première. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. L'information routière avant le journal. Yves Gruyer, circulation très compliquée sur la fin de la route des Tamarins depuis les Ponts. Ouais, depuis les Ponts, hein, ce jeudi matin, circulation difficile hein, pour remonter vers le nord. Toute cette partie, la descente de la savane du Cap Laoussé, le tunnel du Cap Laoussé, la descente vers la route Digue et jusqu'au niveau de l'échangeur de Cambay, la circulation compliquée rendue par ces travaux hein, qui se déroulent en ce moment sur cet échangeur qui crée des ralentissements sur cette bretelle de sortie avant de rejoindre l'axe mixte. Donc soyez patients, les travaux permettront une amélioration seulement qu'à partir de mercredi de la semaine prochaine. Voilà, circulation difficile à ce niveau, mais difficile également entre Grandfonds et Boucan, c'est bien ralenti maintenant. Il y a des ralentissements qui se font également dans les rampes de Plateau Caillou pour descendre ou vers la plaine Saint-Paul, donc en descendant sur Savannah. Patience. Route du littoral, par contre, ça se passe pas trop mal puisque c'est toujours au niveau du tunnel du Cap Bernard. Par contre, le pont Vincennes est encombré, la tranchée côté mer également. Des ralentissements qui se font un peu plus prononcés en provenance de l'est puisque maintenant la ligne droite de la Jamaïque est ralentie et il y a un trafic très dense depuis les cafés donc pour rejoindre Plateau de la Mare. Donc patience également à ce niveau. Ici dans le sud, il faut passer le tampon, pas trop de problèmes pour descendre en tout cas sur les échangeurs de Saint-Pierre. Quelques ralentissements depuis Bassin-Plat pour retrouver le pont de la rivière d'abord. Et puis une circulation correcte. Je vous rappelle les rampes de Basse-Vallée ouvertes à la circulation avec de l'alternat et bientôt, dans une demi-heure, début des travaux de purge avec des coupures de 45 minutes. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Hormis les nuages de ce matin dans la région de l'Est, la journée s'annonce belle. Merci de votre fidélité à la première. Il est 8h. Le journal, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Quelle solution pour nos déchets? Les centres d'enfouissement arrivent à saturation. Faut-il installer un incinérateur? La question sera débattue aujourd'hui en séance plénière au Conseil régional. Explication dans ce journal avec Sophie Persson. La campagne sucrière dans le nord et l'est, elle sera lancée lundi prochain, le 27 juin. Ce sera le 11 juillet dans le sud et l'ouest. Chaque année, il est difficile de trouver des coupeurs de canne. Nous entendrons pourquoi. Le bus du diabète reprend la route. Nouvelle campagne de dépistage depuis hier. Le diabète qui fait des ravages, mais qui est simple à dépister. Et puis, on connaît désormais l'adversaire de l'équipe de France à l'Euro 2016 de football. Ce sera l'Irlande qui a battu l'Italie sur le terrain dimanche, certainement un certain Dimitri Payet. Payet très convoité qui pourrait quitter son club anglais de West Ham. On fait le point à la fin de ce journal avec Martin Baumer. Réunion première, Cécile Thomas. Mais d'abord cette question, faut-il installer des incinérateurs pour brûler nos déchets? Cette question qui est polémique et qui sera posée aujourd'hui en séance plénière à la région. Le plan de prévention et de gestion des déchets doit être examiné par les élus. C'est une toute nouvelle compétence de la région, conséquence de la loi NOTRe. Le plan départemental prévoyait des unités de valorisation énergétique, comprenez des incinérateurs. Didier Robert, le président de la région, s'était prononcé contre pendant la campagne des régionales et dans un communiqué, il tient à réaffirmer son opposition ferme aux unités d'incinération, Sophie Persson. Contre les unités d'incinération, mais pas contre la valorisation énergétique selon des procédés innovants. Voilà ce que dit le président de la région. Traduction, il faudra bien brûler les déchets ultimes, mais trouver une solution compatible avec l'environnement. Le sujet est sensible, très sensible, et ça va sans doute faire du bruit. D'ailleurs, ça commence déjà, le parti de gauche est monté au créneau. Il y aura 2 incinérateurs et ça va coûter 600 millions d'euros, dit le parti. Le parti de gauche qui s'associe donc au collectif Zéro Déchet, qui s'oppose clairement à l'incinération. Greenpeace s'en mêle également et soutient le collectif. Ce dossier technique sera sans doute difficile à suivre car derrière le terme d'unité combustible solide de récupération se cache l'incinérateur. La guerre des mots va sans doute faire rage. Tout le monde semble d'accord en revanche pour diminuer, mieux collecter et recycler nos déchets. On en est très loin aujourd'hui, mais l'urgence est là. Les centres d'enfouissement sont saturés. Sophie Persson, et c'est à suivre donc aujourd'hui en séance plénière à la région. Au chapitre économique, une inflation assez basse, des taux d'intérêt faibles qui ont plutôt soutenu le pouvoir d'achat. L'année 2015 a été plutôt positive. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'IEDOM rendu public hier. Avec tout de même un bémol important, le BTP, surtout le secteur de la construction, tire un peu la langue pour David Perrin. Chargé d'études économiques à l'IEDOM, le chantier de la nouvelle route du littoral aide, cela dit, à maintenir l'activité. Reste à savoir pour combien de temps. On a une économie qui est bonne, mais c'est vrai qu'il y a un secteur qui est en difficulté cette année, c'est le secteur bâtiments et travaux publics. Il y a le chiffre d'affaires qui est en baisse, donc c'est une inquiétude. Alors du coup, ça tord le cou un petit peu à l'adage « quand le BTP va, tout va ». Non, c'est qu'en fait, quand l'économie va bien, les gens ont envie d'investir, ils vont construire. Donc l'inverse n'est pas vrai, malgré la nouvelle route du littoral qui monte en puissance. Et là, on va avoir donc en 2016 et 2017 les pics d'activité. Et du coup, la crainte, c'est qu'on arrive à un plafond. et que derrière, justement, l'activité, il y en aura encore, mais en termes de dépenses mandatées, ça sera un peu plus faible. Donc voilà, des inquiétudes aussi à ce niveau-là, mais qui ne sont pas encore tout de suite, je vous rassure, la Nouvelle-Rue du Littoral est un booster de l'économie réunionnaise aujourd'hui. David Perrin, chargé d'études économiques à l'IEDOM, interrogé par Jean-Claude Toyir. Les cachalots reprendront du service lundi prochain dans le nord et l'est. Planteurs et usiniers se sont entendus hier sur cette date du 27 juin pour le début des livraisons à l'usine sucrière de Bois-Rouge. On sait que dans le sud, ce sera dès le 11 juillet prochain. Reste à trouver les candidats pour aller couper la canne dans les champs hier midi dans Coup de poing dans l'actu. Philippe Dornier et ses invités ont évoqué la question des revenus de ces saisonniers. Environ 500 à 600 euros net pour 60 à 80 heures dans le mois. L'occasion pour Jean-Christophe Zéphir, juriste à la Chambre d'agriculture, de rappeler le cadre de la rémunération des saisonniers. Le contrat saisonnier tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est un CDD. Donc en agriculture, le saisonnier est payé à l'heure effectuée. Souvent, on a cette remontée du terrain qui dit que oui, mais ce serait beaucoup mieux si on pouvait payer les gens à la tâche. Bon, le problème, c'est que le travail à la tâche est interdit en France. C'est la loi, on ne pourra pas y déroger. Par contre, on peut réfléchir à d'autres solutions. Comment faire pour motiver la main-d'œuvre ? Parce que ce qui revient aussi, c'est qu'un salarié qui va être payé à l'heure, il va avoir tendance peut-être à traîner le plus d'heures possible pour être le plus payé, à couper le moins de tonnes de canne. Voilà ce qu'on peut entendre aussi. Peut-être un système de primes mis dans un contrat saisonnier, qui est tout à fait autorisé par le Code du travail, pourrait éventuellement répondre à cette question-là. Jean-Christophe Zéphir, juriste à la Chambre d'agriculture, dans C'est dans l'actu hier midi sur Réunion Première. Et puis après les candidats au bac, ce sont les 14 663 candidats au brevet des collèges qui plancheront dès aujourd'hui et demain sur les épreuves écrites et une épreuve orale. On leur souhaite bon courage et beaucoup de réussite. La plupart du temps, votre eau du robinet n'est pas propre à la consommation. Vous la trouvez trouble, voire marron, et on vous demande de la faire bouillir. Vous faites partie des 52% d'abonnés dont l'eau distribuée ne présente pas une sécurité alimentaire, sanitaire, toute l'année. Mais ça pourrait changer. Le préfet Dominique Saurin et le directeur de l'Agence régionale de santé, François Maury, ont présenté hier un plan d'action sur plusieurs années. Il devrait permettre de financer des unités pour rendre l'eau potable. Des travaux estimés à 100 millions d'euros et qui concerneront plusieurs communes. À Salazie, ce n'est pas l'eau qui manque. La municipalité vient d'investir pour améliorer sa qualité. Stéphane Foissin, le maire de Salazie. La situation à Salazie, c'est que nous avons un réseau d'eau potable qui est un réseau qui vient en fait des rivières, qu'on appelle aériens. Ce qui fait qu'il y a des pollutions qui sont faites par la nature, par les oiseaux, par tous les animaux qui peuvent y avoir dans les forêts, qui viennent effectivement polluer nos eaux. Donc nous avons mis des petites stations de traitement d'eau potable à chaque citerne, qui nous permet de traiter l'eau et de la distribuer de façon potable à toute la population. Ce sera opérationnel le 7 septembre. On va lancer l'inauguration avec monsieur le préfet. Et là, nous sommes en phase d'essai, en phase de test, pour voir si notre réseau tient bien la route et si on a une eau conforme, bien sûr, au robinet. Stéphane Foissin répondait à Delphine Poudroux. Le diabète touche de très nombreux Réunionnais et on estime que beaucoup de personnes sont certainement malades sans le savoir. Le diabète est silencieux, mais ses conséquences peuvent être très graves. Le bus diabète reprend la route jusqu'au 25 juin prochain. Son objectif, procéder à 1500 dépistages en 4 jours. Hier, il était dans une grande surface de Sainte-Clotilde. Rodolphe Siby est infirmier à la maison du diabète. Il nous dit comment se passe le dépistage. On prend une petite goutte de sang au bout du doigt, c'est pas très douloureux. Et puis on mesure la quantité de sucre dans le sang. Si ça se dépasse un certain taux, on va orienter la personne chez son médecin traitant pour faire une prise de sang. Alors à jeun, une personne qui n'est pas diabétique doit avoir un taux compris entre 0,7 et 1,10 g par litre. Quand il a mangé, ça peut monter jusqu'à 1,60 g pendant 2 heures. Alors une personne qui va commencer à dépasser 1,10 g à jeun, ou s'il a mangé il y a plus de 2 heures, là, on l'orientera chez le médecin traitant pour qu'il ait une ordonnance pour faire la prise de sang au laboratoire. Et pour dire qu'une personne est diabétique, c'est une prise de sang à jeun. En deux fois, le taux de sucre qu'on appelle glycémie dépasse 1,26 g. Rodolphe Siby, infirmier à la maison du diabète, interrogé par Delphine Poudroux. Cette année, l'opération a le soutien de 3 ambassadeurs, Laurence Roustanji, Azui Maïssa et Daniel Sangouma. Direction Mayotte où les villes s'équipent de lampadaires solaires. Les premiers lampadaires de ce type ont été installés en février dernier et le bilan est plutôt positif pour Électricité de Mayotte qui propose désormais aux collectivités qui le souhaitent d'adopter ces équipements solaires. Abi Saïd Adinani. Des lampadaires solaires solaire qui ne nécessite aucun raccordement au réseau électrique et une installation qui permettrait une économie de plus de 80% sur l'énergie consommée. Les arguments séduisent les collectivités qui, face à l'insécurité grandissante, ont fait de l'éclairage public une priorité. La commune de Mtamboro a déjà effectué les études préalables à l'installation de ces lampadaires. Hachim Soyerdi, directeur de service au territoire à la mairie, espère que le chantier sera lancé rapidement. On a pas mal de difficultés liées aux éclairages publics. Ça représente presque 60% de nos factures dans la commune. Donc on a tout intérêt à vraiment réduire ça. Surtout éclairer toutes les zones qui sont peu éclairées. C'est juste des poteaux qu'on va poser sur place et pouvoir éclairer des zones sombres. Mais toutes les collectivités n'en sont pas au même point. Pour espérer être soutenues financièrement par Électricité de Mayotte, un dossier doit être envoyé avec notamment le bilan énergétique du parc existant. Yacine Chouabia, directeur général d'EDM. On a un budget, certes, mais qui n'est malheureusement pas illimité. Aujourd'hui, on est sur la centaine de millions d'euros pour l'année 2016, ce qui devrait permettre l'émergence de beaucoup d'éclairages publics sur le territoire. Mais en revanche, il ne faut pas tarder, car c'est un sujet qui nous intéresse tous et qui intéresse tous les demandeurs. Les dossiers des collectivités seront traités en priorité. Abissaïd Adinani de Mayotte Première. Et du sport avec du football, enfin l'avenir d'un footballeur. On vous parlait hier des sponsors qui s'intéressent à Dimitri Payet, ceux qui misent désormais sur son image. Eh bien, ce matin, on s'intéresse à son avenir dans son club de West Ham en Angleterre, car le Réunionnais est très convoité. Sa saison en Premier League a beaucoup séduit et son jeu avec les Bleus a fini de convaincre. Dimitri Payet est une cible de choix pour les plus grands clubs européens. C'est maintenant ou jamais, assurent les proches du Réunionnais. Certaines rumeurs l'envoient même déjà au Real Madrid, Martin Baumer. Il y a un an, Dimitri Payet était transféré de Marseille vers West Ham en Angleterre contre la somme de 15 millions d'euros. Après une saison réussie, sa valeur marchande a explosé. L'observatoire du football mené par de très sérieux chercheurs suisses estimait il y a encore quelques jours que le Réunionnais valait environ 35 millions d'euros, faisant de lui le 80e joueur le plus cher du monde. Mais ça, c'était juste avant le début du championnat d'Europe. Depuis, Dimitri Payet a encore brillé et même si certains parlent de 80 millions d'euros, une offre comprise entre 40 et 50 millions devrait être acceptée par son club. Cette offre, c'est le Real Madrid qui pourrait l'avoir faite. Des médias espagnols et anglais assurent que le joueur aurait donné son accord à Zinedine Zidane. Ses proches assurent en tout cas que s'il doit partir, c'est maintenant, car l'année prochaine, nous serons à un an d'une échéance importante, à savoir la Coupe du Monde. Le pari serait alors beaucoup trop risqué. Son entourage espère par ailleurs qu'il s'agira plutôt d'un club anglais. Dimitri Payet s'étant particulièrement bien adapté au jeu de la Première Ligue. Et le match des Bleus en huitième de finale de cet Euro 2016 face à l'Air, c'est dimanche à 17h. Et j'en connais un qui sera devant son poste, il s'appelle Claude Montané. Merci Cécile Thomas. L'info revient à 9h. Un coup d'œil sur la météo. Avec ce temps gris au réveil dans les régions comme l'Est, le Sud sauvage au volcan. Et cela ira mieux dans le courant de la matinée. Ailleurs, le temps est bien ensoleillé, encore plus vers la mi-journée. Et puis au cours de l'après-midi, les nuages de pente se développeront sur le relief, laissant du coup les plus hauts sommets dégagés. Sur les côtes ouest et sud, c'est un ciel qui fera beau à voir. Et du coup là, on notera une hausse des températures. Première. 15h, 18h. Même à la limite, par la radio. Oui. Miwos regarde et... Céline, donc... Oulala. Ça la manière, écoutez, votre après-midi, ils ont tout, hein, Michael aussi, hein. Ben oui. Isabelle, là où qu'on s'en est, là où j'en ai eu. Le 15-18, Isabelle Waraud, Michael Lorette. Envie de fraîcheur ? J'avais accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Il fait plaisir voir à vous préparer un bon carry, mon chéri. Oui, un carry, il faut préparer un lit. Vous connaissez une retraite aussi. On a bientôt 62 ans. Il faut regrouper de papier dès maintenant. Les pas automatiques ? Non, il faut vous déposer votre dossier retraite complet 6 mois avant la date prévue. Au moins, on sera sûr d'être payé dans les temps. Un conseiller retraite CGSS, il peut aider à vous. Futur retraité, pour bénéficier de votre retraite dans les temps, contactez le 3960. Et déposez votre dossier complet 6 mois avant votre départ. Service 0,06 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel local. Première. Il est 8h15 sur la première. La liberté d'expression existe-t-elle dans le milieu de l'informatique? Est-ce que, surtout, vous avez entendu parler de logiciels libres? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par libre? Quelle est cette liberté et le prix à payer? Utilisez-vous à la maison des logiciels libres? Est-ce que cela vous arrive, par exemple, de faire des copies de données, de programmes pour vos amis? Et est-ce que lorsque le logiciel est libre, cela veut dire aussi qu'il est gratuit? Est-il vrai que des institutions, des écoles, des organismes, des associations se mettent aussi au logiciel libre? C'est votre débat jusqu'à 9h sur la première, au 02 62 99 2000, vous avez la parole. Nos invités dans moins de 5 minutes, et puis les messages également par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allo Première. 8h, 10h, Allo Première, Claude Montané. Comment ça roule ce matin? Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves Gruyer, bonjour, vous êtes sur la route nationale 3. Oui, absolument, tampon, donc toujours sur cette partie haute du sud avec du soleil qui réchauffe un peu l'atmosphère. Il faisait frais ce matin, moins sans doute qu'hier, mais en tout cas, donc température encore assez basse, circulation sans trop de difficultés. Je rappelle ces travaux sur la route nationale 3, toujours à niveau de la plaie des Cafes entre Bourg-Murat et le pont de Trente avec des travaux d'enrobé qui ont démarré. Vous avez également un peu plus bas, donc entre le 14e, le 12e kilomètre, juste après le collège du 12e, des travaux au niveau du bras d'Antoine. La circulation se fera avec l'alternat, avec la présence de camions toupies pour réaliser donc le collage de béton de trottoir, les travaux de réfection de l'ouvrage qui est en cours en ce moment. Donc de l'alternat pour aujourd'hui et demain, et ensuite les travaux se feront essentiellement sous l'ouvrage. Circulation plutôt correcte à la descente du tampon, un peu chargée au niveau des échangeurs de Saint-Pierre à cette heure-ci. Mais ce qui est compliqué, eh bien, c'est la fin de la route des Tamarins. On est même avant l'échangeur de l'éperon. L'embouteillage ne fait que croître depuis ce matin et toujours jusqu'à Cambay. Hein. Le problème, c'est la bretelle de sortie de Cambay avec les travaux qui se déroulent en ce moment au niveau de la partie nord de l'échangeur. Circulation très difficile pour passer sur une zone et une chaussée décaissée. Voilà, donc faire très attention. Et les tours à gauche qui ont été supprimés, faut-il le rappeler. Route du littoral, ça se passe bien jusqu'à la sortie du tunnel du Cap Bernard. Ça roule mieux sur le pont Vinsane, mais les tranchées sont chargées côté mer, moitié côté montagne. Et toujours ces ralentissements en provenance de l'Est avec une route mouillée, fin de 4 voies à Saint-Benoît. D'ailleurs, quelques ralentissements. Voilà, bonne route et beaucoup de patience si vous circulez du sud vers le nord par l'ouest. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a un gros rocher qui s'appelle le Grand Colombier. C'est donc juste à l'entrée du port, un îlot qui accueille des milliers d'oiseaux marins. Le Grand Colombier est aussi un site unique au niveau national. Caroline Marie sur la première. Planète Outre-mer, la chronique environnement présentée par Caroline Marie. Au nord de l'île de Saint-Pierre se trouve un îlot rocheux, le Grand Colombier. C'est un site unique au niveau national pour la quantité d'oiseaux marins qu'il accueille lors de leur reproduction. La richesse des eaux qui l'entourent, gorgées de krill et autres poissons pélagiques, nourrissent ces oiseaux comme les mammifères marins également en grand nombre. Le Grand Colombier a failli être classé en réserve, mais ce projet n'a pas abouti. Franck Urtis-Berea, membre de l'association SPM Fragile. Le Grand Colombier accueille les plus grosses populations françaises d'oiseaux marins, d'espèces macareux moines, guillemots de troll, petits pingouins. Donc des espèces qui sont lourdement impactées en métropole, notamment par les marées noires et tout le restant. Il y a 300 000 couples de pétrels océaniques de cublons, c'est pas rien quoi. Ça en fait la troisième ou quatrième plus grosse population au monde. Au niveau français, c'est la plus grosse colonie française. Donc il y avait une logique à ce que la France protège effectivement quelque chose de remarquable. Donc la richesse aviaire du Grand Colombier faisait que c'était une évidence qu'il fallait protéger ça dans un intérêt commun, collectif, pas juste local, et que surtout il y ait une prise en charge de cette protection, quoi. En tout cas, à l'époque, quand j'étais président, c'est ce que l'association souhaitait défendre comme mot, quoi. Après avoir été chassés, la plupart des oiseaux du Grand Colombier sont aujourd'hui protégés. Bruno Letournel, responsable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'arrêté ministériel concernant les espèces protégées pour Saint-Pierre-et-Miquelon, il date de 89. Il y a une liste importante d'oiseaux qui sont protégés, dont fait partie notamment le macareux moine, ce qui a permis donc effectivement la recolonisation du Grand Colombier, parce que très certainement, dans l'histoire, de Saint-Pierre-et-Miquelon, le Grand Colombier est un site de reproduction des alcidés. Le petit pingouin aussi, donc, bénéficiait de mesures de protection et donc l'augmentation de la population du petit pingouin sur le Grand Colombier est certainement due en partie à cela. Vous avez d'autres espèces comme le fou de basson, ici présent, les puffins, qui vivent essentiellement en mer, le fulmar également, boréal, qui sont donc des espèces qui viennent prospecter ici, au niveau du Grand Colombier. Le projet d'agrandissement du port de Saint-Pierre pourrait toutefois mettre en danger les populations d'oiseaux du Grand Colombier. C'était Planète Outre-mer avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Quel regard vous portez sur ce monde de l'informatique et de ses programmes? Ce monde vous semble-t-il trop compliqué? Quel est le sens exact du logiciel libre? Et puis, pourquoi serait-il libre? Est-ce que vous êtes un utilisateur de ce logiciel libre? 02 62 99 2000 pour toutes les réactions en direct sur la première, par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission. À le première, l'intérêt, la qualité surtout de cette notion de liberté, mais oui, jusqu'où? 02 62 99 2000. On en parlera avec les invités de la première. Pascal Gascoin, qui est le directeur des CMEA, c'est l'association d'éducation populaire et le mouvement d'éducation nouvelle. Éric Goisé, qui sera avec nous également, qui est le co-organisateur des rencontres mondiales décentralisées du logiciel libre. Et puis nous irons retrouver à la mairie de Saint-Joseph Dominique Leperlier, qui lui est responsable informatique. Facile pour moi et content sans la paix. Une cicatrice profonde qui t'y empêche moi et ta nuit. Toi qui fais récit convainc moi. Tiens-moi bas le mot qui fit ferme trouver qui m'aime malgré tout. C'est qui m'au fil subir tout là pour illuminer mon cœur. L'amour parfait, c'est signé Cynthia Amirali sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Le logiciel libre, qu'est-ce que c'est? Tout le monde en parle. Le monde entier, les utilisateurs de l'outil informatique ne jurent que par le logiciel libre. On dit même que dans le monde de l'entreprise, c'est en train de prendre de l'ampleur. Institutions, écoles aussi, etc., etc. On est là pour répondre à toutes vos questions au standard de la première, au 02 62 99 2000. Les invités, Pascal Gascoin, directeur des CMEA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Éric Gouezet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-organisateur des rencontres mondiales, c'est ça? Donc, décentralisées du logiciel libre. Tout à fait. Qui aura lieu, donc, ce sorte de petit salon, en fait, aura lieu à Saint-Joseph. Et nous prenons la direction de Saint-Joseph, de la mairie de Saint-Joseph, avec Dominique Leperlier, qui est avec nous par téléphone. Dominique Leperlier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable informatique, vous, hein, à la mairie de Saint-Joseph. Oui, c'est ça. Alors messieurs, merci d'être là. On va essayer de vulgariser un petit peu tout ça. Pascal Gascoin, est-ce que vous pouvez nous donner une définition toute simple du logiciel libre? Je vais essayer. Essayez, s'il vous plaît. Le logiciel libre, on a l'habitude de le définir à partir de ce qu'on appelle les quatre libertés fondamentales qui ont été posées par l'inventeur de ce concept, qui est Richard Stallman. Qui passait pour un fou à l'époque, d'après ce que j'ai compris, pour un révolutionnaire, c'est ça? D'accord. Donc c'était tout sauf de la technique informatique. Ça s'oppose à ce qu'on appelle le logiciel propriétaire, ou Stallman appelle ça le logiciel privateur, parce qu'il nous prive de liberté. Donc quand on définit le logiciel libre par ses libertés, ces quatre libertés, la première c'est la liberté d'utiliser le logiciel comme bon nous semble. Aucune restriction d'utilisation. Quand vous achetez... Enfin, d'ailleurs, vous n'achetez pas un logiciel, vous achetez le droit d'utiliser ce logiciel dans des conditions extrêmement. D'accord. Voilà. Là, un logiciel libre, on le prend, on l'utilise où on veut, comme on veut, sans aucune restriction. La seconde liberté, c'est la liberté d'améliorer le logiciel. Alors ça, on n'est pas habitué, parce que sur le logiciel propriétaire, on est même interdit de chercher à comprendre comment il fonctionne, et on n'en a pas la possibilité. On y reviendra tout à l'heure sur le fait d'améliorer, parce qu'on n'a pas besoin d'être informaticien pour améliorer un logiciel. La troisième, celle-là, on n'est carrément pas habitué, c'est la liberté de copier et de le redistribuer. Voilà, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant, et que c'est un autre concept, plus éthique. D'accord, Donc si j'utilise un logiciel libre et que je le trouve intéressant et pertinent, je peux le donner légalement aux gens de mon entourage pour qu'ils puissent aussi l'utiliser et aussi pourront le recopier. La quatrième liberté, c'est l'accès aux codes sources. Alors, je les ai plus mis dans le bon ordre. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a accès à la recette de ce logiciel. Ce qui permet de, quand on dit l'améliorer, c'est, enfin, d'une part, on est certain que ce logiciel ne fait que ce qu'il dit qu'il fait, puisqu'on peut voir donc comment il est écrit, si on en a les compétences, mais il y a toujours quelqu'un qui est capable de le faire. Et puis surtout, on peut l'améliorer. Alors soit parce qu'on sait coder du logiciel, soit parce qu'on est un utilisateur de ce logiciel et on peut renvoyer de l'information au développeur et faire en sorte qu'il soit le mieux adapté à nos besoins. On peut le traduire par exemple en créole réunionnais. C'est pas un marché intéressant pour les éditeurs de logiciels, le marché. Ça c'est possible. Parfaitement. C'est-à-dire que il suffit juste que le développeur nous donne la liste des mots qui sont utilisés dans le logiciel. Nous, on met les mots en créole et lui remet ça dans la machine et le lendemain, on a le logiciel complètement traduit. Ce qui est impossible dans le monde du logiciel propriétaire. C'est pas intéressant. Éric Gouezet, ça parle, on a l'impression que ça ne parle qu'au crack en informatique, le logiciel libre. Et pas du tout. Pas du tout. C'est un concept qui nous intéresse tous. Parce que ça nous permet de partager nos savoirs, nos connaissances, nos passions. Partager les données aussi? Alors partager et surtout identifier ce qu'on fait réellement de nos données. Et c'est un des problèmes et un des enjeux de notre société aujourd'hui, c'est que nous donnons très facilement nos données, alors que chacun chez soi se ferme, met des volets, des alarmes, ferme sa voiture à clé. Oui, nos données, on les met à disposition en fait, de tout le monde sans le savoir sur le net, sans savoir ce qu'elles vont devenir. En creusant un peu, on imagine bien qu'elles deviennent la source de business juteux pour des sociétés comme Google et les autres du GAFAM. Mais ça, on le fait c'est devenu facile, sans se rendre compte de l'importance que ça a, que le fait que toutes ces données soient données, pour le coup, et réutilisées par des gens à notre insu bien souvent, même si on y retrouve parfois quelques usages agréables. Pascal Gascoy, oui, alors juste vous me regardez, alors allez-y, oui. GAFAM, on va souvent en parler, mais ça cause pas forcément. Pas forcément. C'est les cinq grosses entreprises mondiales qui utilisent nos données en permanence. Google, Apple, Facebook, Amazon. Très bien, et Microsoft. D'accord. GAFAM. Dominique Leperlier, vous êtes responsable informatique à la mairie de Saint-Joseph. Alors, ça fait un moment d'ailleurs qu'à la mairie, vous utilisez ce logiciel libre. Et expliquez-nous comment a démarré cette aventure. Écoutez, alors il faut vraiment remonter quand même assez loin. Il faut remonter pratiquement en 2008. Et même peut-être un peu avant, parce que c'est né vraiment d'une idée insufflée par le député maire, l'idée d'avoir aussi l'appropriation de son système d'information et aussi donc de pouvoir maîtriser ce qu'on fait. À l'image de ce qu'il a fait pour l'entreprise municipale, on a voulu recréer un petit peu cette idée-là à l'entreprise municipale du numérique. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre en œuvre des applications qu'on arrive à comprendre, et aussi de développer des applications en interne, et donc de maîtriser complètement son système d'information. Et partant de là, une note de service a été émise en 2008 par le député maire qui recommandait l'usage des logiciels libres en interne. Et de ces actes, on en a fait des. Enfin, en tout cas, de cette note, on en a fait des actes. C'est parti d'une volonté même du député maire de Saint-Joseph, alors. Ah oui, complètement, oui. Le débat revient après 8h30 sur la première. Vous réagissez, évidemment, on est sur ce logiciel libre. Si vous utilisez ce genre de logiciel à la maison, on peut en parler avec nos invités. Donc, ce sont des spécialistes jusqu'à 9h. 02 62 99 2000. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves, vous êtes au niveau de l'échangeur Condé. Oui, en dessous des azalées. Alors, il y a toujours ce panneau message variable qui indique qu'il y a un obstacle sur la chaussée. C'était la fameuse échelle tout à l'heure, mais le propriétaire l'a récupéré déjà depuis un moment. Mais on n'arrive pas à effacer le message sur ce panneau, donc vous pourrez pas. C'est pas la peine d'en tenir compte. Voilà, circulation relativement correcte, mais les travaux ont démarré au niveau du bras d'Antoine. La circulation se fait avec de l'alternat. Attention, quelques ralentissements qui démarrent avant le collège du 12e kilomètre. Donc sur ce chantier réglé par feu tricolore. Donc, la circulation se fait avec de l'alternat jusqu'à cet après-midi. Chantier qui se poursuivra encore demain avec les mêmes conditions. Et puis la semaine prochaine, ça se passera un petit peu mieux. La circulation correcte sur cette 4 voies du tampon, au niveau des échangeurs de Saint-Pierre également. Le point noir, c'est la fin de la route des Tamarins. Toujours 200 mètres avant l'échangeur de l'Éperon pour le début des grosses difficultés. Ça ralentit toujours sur le littoral ouest avant Boucan, hein, en direction du Cap Laoussé. Dans les rampes de Plateau Caillou également, c'est saturé. Je rappelle que c'est l'échangeur de Cambé qui pose problème donc avec ces travaux qui se déroulent en ce moment. Par contre, entrée ouest, il n'y a plus de bouchons pour entrer sur Saint-Denis en arrivant de la route du littoral. Vincent dégagé, reste encore un peu du monde sur la tranchée côté mer et un ralentissement continu depuis Sainte-Marie jusqu'au front de mer de Saint-Denis. Pluie toujours dans l'est, attention, restez prudent sur la RN2 et le début de la RN3 au moins jusqu'au pratiquement col de Bellevue. Très bonne route avec la première. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Les invités de la première, Pascal Gascoin, directeur des CMEA, c'est l'association d'éducation populaire et le mouvement d'éducation nouvelle. Éric Gouezet, co-organisateur des rencontres mondiales décentralisées du logiciel libre. Et ces rencontres auront lieu sur Saint-Joseph. Et Dominique Leperlier est également avec nous. Il est le responsable informatique de la mairie de Saint-Joseph. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Une question importante aussi. Alors, c'est ce logiciel libre. Est-ce qu'il est gratuit, Pascal Gascoin? Oui. On pense parfois, voilà, logiciel libre égale gratuité. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, vrai c'est à la pas fois. Vrai. D'accord. Ça fait référence à free software, donc le free en anglais a deux sens. Liberté. La liberté, c'est celui-là qui est le plus important. Un logiciel, quel que soit son mode de développement, ça a un coût à un moment donné. Quelqu'un a développé ce logiciel. Ça peut être une entreprise, ça peut être quelqu'un qui l'a fait bénévolement ou autre, peu importe. Mais à un moment donné, quelqu'un y a passé du temps. La seule différence entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire par rapport à ça, c'est que une fois que ce coût de développement est payé, une fois que le logiciel est créé, pour le logiciel libre, il est disponible pour tous avec son code source, donc avec la recette. D'accord. Le logiciel propriétaire, on continue à acheter le droit de l'utiliser. On paye une rente en fait à l'éditeur. Voilà. Donc on peut trouver, on est même autorisé dans la définition tout à l'heure que je donnais de Richard Stallman, on peut le redistribuer, ce qui sous-entend qu'on peut vendre un logiciel libre. En règle générale, on peut télécharger gratuitement le logiciel libre. Ce qui peut devenir payant, c'est le service qui va derrière pour une entreprise. Voilà, un logiciel libre, ça peut s'installer, on ne paye pas de licence. Dans le même temps, le paramétrage, l'utilisation et autres, ça peut faire l'objet d'un service qui peut être payant. Eric Gouazé, on peut avoir un exemple très parlant. Vous êtes avec un téléphone portable. Oui, alors c'est le téléphone de la société OnePlus, qui est une filiale de Oppo pour les passionnés, qui a été le premier téléphone mobile sous Android, mais lancé avec une ROM alternative sous Cyanogen. Donc c'est un système totalement open source. Pour les passionnés de développement, on peut se mettre à développer. Pour les passionnés de langue, on peut le traduire en français. Enfin, il est déjà très traduit, bien, oui. On peut l'ajouter. Et donc, ça a permis à toute une communauté de gens d'améliorer régulièrement les capacités de cette machine. Pour vous donner une idée, cette marque en est à son troisième modèle qui sort là, et je l'attends avec impatience. Il est à la poste, messieurs les postiers, si vous voyez mon colis, faites-le passer. et pour vous donner une idée, c'est une machine qui est vendue 399 €, le dernier modèle, et qui a en gros les capacités des leaders du marché. Et le constructeur va jusqu'au bout, puisque c'est le seul smartphone sur lequel vous avez entièrement le droit, la garantie est maintenue, de changer votre système d'exploitation. Si je fais ça sur un Galaxy, un Samsung, ou acheter, non, s'il vous plaît. Voilà, non, enfin, voilà, sur d'autres marques, j'aurais pas le droit. Là, ce ne serait pas possible. Là, je suis totalement libre et ma garantie est maintenue. Et on retrouve ici le problème que nous avons sur les ordinateurs de bureau, puisque ça s'est transposé sur les mobiles. Hein. Oh oui. Sur un ordinateur de bureau que j'achète dans 99 fois sur 100 avec Microsoft, Windows, je ne peux pas mettre autre chose. Si je souhaite mettre autre chose, c'est d'une complicité énorme et du coup, je ne le fais pas. Parce qu'on m'empêche, on me met une barrière au changement qui est tellement forte que je ne le fais pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des machines sont livrées sur Microsoft Windows et qu'il y en a malheureusement très peu livrées sur des systèmes alternatifs. Alors, on nous dit par SMS au 06 92 608 335, mais qu'en est-il de sa vie privée, Pascal Gascoin? Là, pour le coup, c'est... Est-ce qu'on arrive encore à préserver notre vie privée aujourd'hui avec l'informatique, avec toutes ces données que tout le monde se partage, etc.? En faisant lien, il y a pas un danger là quelque part. Pour nous, il y a un danger, un danger phénoménal. Le propos, c'est pas de dire il faut arrêter d'utiliser tel et tel et tel service. On travaille dans l'éducation populaire, notre propos, c'est plus de mettre en garde, de prévenir. Après, les gens disposent. Mais si je prends un exemple très très simple, s'il vous plaît, si vous avez un compte Gmail, donc chez Google, déjà. On sait que Google lit les mails. Alors c'est pas quelqu'un chez Google qui lit nos mails, c'est une machine qui... Mais dit comme ça, ça nous inquiète. Oui, mais ça peut. Alors il y a encore pas très longtemps, on passait pour des fous quand on disait ça. Le dernier service de Google, de Gmail, c'est la proposition de répondre automatiquement à nos emails, ce qui démontre bien qu'il y a la lecture intelligente de ce que contiennent nos mails. Si on rajoute à ça qu'on utilise Google Agenda, donc Google est au courant de notre emploi du temps, pour peu que vous utilisiez Google Maps parce que vous êtes paumé, on sait exactement où vous allez, de quel trajet vous êtes en train de faire. Pascal Gascoin, qu'on est pisté, qu'on est fiché quelque part, c'est ça. Ce qui intéresse toutes ces entreprises, dès que nous sommes connectés, c'est ce qu'on appelle nos data, nos données. C'est ça qui les intéresse. D'accord. Donc ils nous rendent des services, ça fonctionne très très bien, c'est très très pratique. Ouais. Mais dans le même temps, on abandonne tout un pan de notre vie personnelle, de notre vie privée. La réponse souvent qu'on obtient, c'est j'ai rien à cacher, ce qui est faux. Si on n'a rien à cacher, on peut demander. Alors effectivement, tout un tas de choses. Ça n'a pas encore eu d'impact, mais ça arrive assez facilement. On sait par exemple que Facebook est en train a fabriqué un algorithme qui permet qu'il revend aux banques. Qui lui permet de calculer votre capacité à rembourser un prêt au regard de votre vie. Alors votre vie, c'est ce que vous mettez sur Facebook, les gens que vous fréquentez, les soirées dans lesquelles vous allez, votre métier, etc. Toutes les infos que vous mettez dedans. À partir de là, Facebook a construit cet algorithme pour savoir si, a priori, vous êtes en capacité de rembourser un prêt ou pas. Donc dans pas longtemps, vous irez chez le banquier et puis il vous répondra que non, il peut pas vous accorder ce prêt et vous n'aurez pas d'autres réponses que ça, puisque c'est un algorithme qui l'aura calculé et c'est d'accord, au regard de ce que Facebook a décidé. Ouais. Voilà. Je passe ça, c'est sur un les exemple, mais un exemple très parlant parce que quand on voit le nombre d'utilisateurs de Facebook, oui. Mm-hmm. Ouais. Alors après, il y a aussi les professionnels de santé, Rick Gouezé, qui partent en guerre, notamment contre cette ce qui pourrait être dans la loi santé, c'est-à-dire en fait les assurances, les mutuelles pourraient avoir accès aux données, au bilan de santé de la personne. Alors c'est tout le débat des données, c'est qu'on aime bien chacun de nous s'auto-évaluer, prendre sa tension, savoir combien on a marché, quel est notre rythme cardiaque. Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi? Voilà, et puis on finit par le mettre sur une application assez sympathique, finit par le partager. Dans la théorie, ce serait bien que notre médecin ait accès à toutes ces données, et ça m'arrive moi de les partager avec mon médecin. Le risque c'est qu'un jour... Votre médecin? Mon médecin, oui, voilà. Parce que c'est votre médecin traitant, bien. Et le risque, c'est l'assureur qui un jour les mutuelles. Monsieur Gouezé, ça va vous coûter un petit peu plus cher parce qu'on vous êtes allé chez le médecin. On a vu que vous mangez régulièrement chez McDo, ce qui n'est pas le cas. Je rassure ma femme. Voilà, toutes ces choses-là sont vraiment dangereuses. Dans ce cadre-là, une compagnie française a fait un effort énorme en investissant dans le cloud français. Donc le cloud français, une des grosses sociétés qui s'occupe de ça, c'est Cozy Cloud. Et l'idée, ça va être de mettre à disposition des clients de cette mutuelle un service de cloud alternatif à Google, iCloud de chez Apple et autres. Et ces données seront vraiment sécurisées, cryptées, et ce sera l'utilisateur qui décidera ce qu'il en sera fait. Si je les partage avec mon médecin, avec mes proches, ou pas du tout, ou si j'autorise aussi un assureur. C'est vous qui décidez. Il y aura un choix de l'utilisateur. Et c'est ça, vous c'est qui décidez si vous le partagez ou pas, c'est voilà. Ça. Toute conscience. En toute conscience. Charles qui nous dit, puis-je me former à la manipulation du logiciel libre, Pascal Gascoin? Oui. Oui, alors d'abord du 7 au 10 juillet à Saint-Joseph, pendant les rencontres mondiales. On disait tout à l'heure que c'était un salon, en fait, ça ressemble plus à une université populaire. L'idée, c'est toutes les personnes qui interviennent pendant ces rencontres mondiales le font bénévolement, déjà pour info. Donc il y a des spécialistes, il y a des utilisateurs, il y a des développeurs. Ouais. Et l'idée, c'est au travers d'ateliers, de conférences, de venir découvrir. On a imaginé plusieurs parcours. Il va y avoir des parcours pour les développeurs et autres. Donc c'est aussi un moment pour la communauté du libre réunionnaise de se retrouver et de travailler ensemble. Il y a des parcours grand public. On a même fait un parcours pour les nuls. J'y connais absolument rien et je sais pas de quoi ça parle. Le logiciel libre pour les nuls. Exactement. ou pour les associations. Moi je travaille dans une association d'éducation populaire. On voit bien les usages qui sont faits de ces outils-là. C'est intéressant de sensibiliser à ces parcours-là. Donc, au travers de ces rencontres, déjà, on peut prendre des contacts, apprendre à utiliser. Et puis après, tout au long de l'année, il y a des associations qui existent à la Réunion qui peuvent accompagner à ces usages. Les auditeurs ont la parole sur la première, 02 62 99 2000. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Dominique Leperlier, responsable informatique à la mairie de Saint-Joseph, vous restez bien avec nous. Nous accueillons au téléphone John de Saint-Denis. John, bonjour. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous parle, vous, le logiciel libre? Non, pas forcément. Pas forcément. Vous êtes un utilisateur de votre ordinateur, de votre téléphone portable? D'ordinateur, oui, mais portable, pratiquement... Très rarement, quoi. Très rarement. Est-ce que vous pensez, John, que vous arrivez à préserver votre vie privée? C'est une question que je ne me suis jamais posée, en fin de compte. Ouais. Vous avez des choses à cacher ou pas? Non, je n'ai rien à cacher, ni sur mon portable, ni sur mon ordinateur. Vous n'avez rien à cacher, vous êtes sûr? Ouais, peut-être la carte bleue, à la rigueur. Mais comme je fais très peu d'achats par Internet, donc voilà. Pascal Gascoigne, directeur des CMEA, quand on dit qu'on n'a rien à cacher, vous le pensez vraiment ? Ah non, j'y crois pas deux secondes. Enfin, John, vous l'entendez, ouais. Notre invité ? Je l'entends. Non, on pourrait imaginer. Dans ce cas-là, on peut mettre des webcams dans votre demeure. On peut vous demander un numéro de carte bleue, le numéro de sécu, les différents contacts que vous avez. Enfin, on a tous quelque part notre vie privée à préserver, ce qui n'est plus le cas avec les usages qui sont faits actuellement de ces outils. John. Ouais. Donc, alors en clair, lorsque vous dites que vous n'avez rien à cacher. Vous avez forcément... Non ? C'est à débattre. Je ne peux pas vous dire plus que ça. C'est à débattre. Alors, on nous dit également par SMS que tout ça fait peur. Je me méfiais déjà, mais alors là, c'est juste affolant. Éric Gouezé. On n'est pas là pour faire peur aux auditeurs. Ouais. Mais les gens sont en train de se poser la question, là. Alors, ça devient affolant. Voilà. C'est tout à fait normal. Parce que c'est une ça dépend pour qui, John ? Ouais, ça dépend, ouais. Pourquoi vous dites que ça dépend pour qui ? Je sais pas, pour qui ça fait peur. Je peux pas vous dire plus que ça. Moi, non, ma peur, non, j'ai pas peur. Vous n'avez pas peur, non. John. Non. On reviendra sur cette notion de peur. Merci à vous, Éric Gouezé. Alors, c'est normal que ce soit surprenant et inquiétant, parce que c'est une révolution dans l'humanité. Une révolution dans l'humanité. On a grandi, nous, avec la commère cachée derrière son rideau, qui surveillait ce qu'on faisait. Ça sortait pas du village. Et ça allait, ça nous dérangeait pas, mais ceci dit, on n'appréciait pas la commère. Aujourd'hui, la commère, elle est dans toutes nos machines. Elle est dans le téléphone portable. Et nous donnons toutes nos données. Et sauf que cette commère, c'est des multinationales, et qu'ils utilisent ces données pour après les revendre et pour que ce soit utilisé en général pour nous vendre des produits et des services à des prix optimisés pour eux. Ouais. Donc le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, de façon innocente, on transmet gentiment toutes ces données, l'ensemble des gens le font, mais derrière, on n'a pas encore compris qu'on aurait forcément un retour de bâton, que le banquier, l'assureur, les États, pourquoi pas, nous refuseraient les données. Il faut bien se souvenir que les révélations d'Edward Snowden n'ont été possibles que parce qu'il a utilisé des logiciels libres et de la cryptologie. Et j'engage les auditeurs qui veulent s'amuser à être des Snowden à l'herbe, à télécharger la distribution Linux qu'il a utilisée, qui s'appelle Tails, qui est disponible sur le net. Voilà, et ça donne une idée. Il faut savoir que Reporters sans frontières met à disposition des journalistes exposés un kit numérique pour que ces gens-là, à l'aide du logiciel libre, puissent continuer à informer le reste du monde de ce qui se passe dans leur pays. Donc c'est une sorte de révolution là. C'est une révolution c'est une pierre essentielle au partage de l'information dans l'histoire de l'humanité. Et si on oublie ce côté-là, Terminator, ce sera plus un joli film, ce sera une réalité. Quel regard portez-vous sur ce monde de l'informatique et de ses programmes ? Ce monde vous semble-t-il trop compliqué ? Quel est le sens exact du logiciel libre pour vous ? 02 62 99 2000. Tous les samedis, 21h-23h, compas, salsa, reggaeton, zouk. Jean-Claude Machir. Tous les sons qui vous ont fait danser sont sur Réunion Première dans Musique Caraïbe. Tous les samedis, 21h-23h. Musique Caraïbe sur Réunion Première. Direction Saint-Pierre pour l'information routière. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, vous êtes à l'échangeur du chevalier Gustave Banque. Absolument, et ça ralentit en arrivant de Saint-Louis. Donc uniquement sur cette partie de bretelle, la partie montante avant l'échangeur Banque, ça ralentit. Dans la partie descendante, c'était roulant. Par contre, la bretelle de sortie des casernes en arrivant du tampon, là, il y avait encore également quelques encombrements pour rejoindre la balance de Saint-Pierre qui sera bientôt en activité dans 19 jours. Donc vous le savez, vous avez entendu, début de la campagne sucrière dans le nord et l'est à partir de lundi, la semaine prochaine, pour 5 mois forcément. Et à partir du 11 juillet pour la partie sud de l'île. En ce qui concerne le trafic, attention, il y a ce véhicule arrêté à la sortie du tube côté mer sur la route nationale 6, c'est-à-dire le boulevard sud, à la sortie de cette tranchée, juste avant le carrefour Mazagran. La patrouille est arrivée, donc c'est a mis le véhicule en protection, donc il y a un peu de contrainte sous le tube. L'entrée ouest de Grigny s'est dégagée, je rappelle, la circulation se fait correctement également en provenance de l'est, ça va mieux, c'est au virage de la Jamaïque que démarrent les ralentissements, avec route mouillée dans l'Est, je rappelle également. Et puis, attention, si vous circulez dans l'Ouest, parce que malheureusement, il y a toujours ces gros embouteillages depuis l'échangeur de l'Éperon jusqu'à Cambé. Soyez patients. Vous passez la route digue et rejoindre surtout l'échangeur de Cambé. Et puis, voilà, c'est surtout ça comme information. Je rappelle que les rampes de Passe-Vallée sont concernées par des travaux de purge toute la journée. Des coupures de 45 minutes qui ont débuté. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Les invités de la première, Pascal Gascoin, directeur des CMEA, Eric Gouezé, le co-organisateur des rencontres mondiales décentralisées du logiciel libre, et Dominique Leperlier, qui est le responsable informatique à la mairie de Saint-Joseph. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Dominique Leperlier, vous avez entendu un petit peu nos deux personnes en studio, Eric Gouezé, Pascal Gascoin, et puis à l'instant donc l'auditeur John. Votre sentiment à vous? Je crois que la question que vous avez posée, je pense que c'était pas la bonne. Quand vous dites, est-ce que vous demandez à quelqu'un est-ce que vous avez rien à cacher, moi je formulerais la question différemment. C'est-à-dire, je lui poserais la question, est-ce que vous êtes prêt à déballer votre vie privée sur la place publique? D'accord. Et là, la réponse, elle est forcément différente. Forcément, non. Forcément, on va dire non. Voilà. Donc, on est sur le même cas. Aujourd'hui, concrètement, sur des outils tels que Google, Facebook, Twitter, toutes ces grosses multinationales qui ne sont même pas en France, leur siège social, ces grosses multinationales connaissent votre vie privée. Et derrière, il y a un traitement des données qui se fait via des logiciels ce qu'on appelle du big data, et qui sont capables, même, on parle aujourd'hui qu'on est capable de savoir ce que vous allez faire demain. Donc c'est là en fait là toute la question. Est-ce qu'on est prêt à justement à s'exposer ouvertement sur le numérique aujourd'hui? Parce que qu'est-ce quoi? C'était juste pour en rajouter une petite couche sur l'inquiétude. Alors, mon propos, c'est pas de mettre tout le monde en panique, mais c'est d'informer de façon à ce que chacun utilise le plus rationnellement possible ces outils. Ça a pas fait encore suffisamment de bruit, mais je pense que ça va bientôt réagir. Il y a eu un accord cadre il n'y a pas longtemps signé entre l'Éducation nationale et Microsoft. Mmh. Alors on voit bien l'intérêt pour Microsoft de mettre les pieds. Ils sont déjà tellement dans l'éducation nationale que. Mais c'est important que tout le monde continue à utiliser Windows. Et si on l'apprend à l'école, c'est bien. Ce qui pose plus problème, c'est que ce qui intéresse Microsoft, c'est aussi les données. C'est-à-dire que maintenant notre livret scolaire. Il va être dans les mains de Microsoft puisqu'ils vont avoir accès et gérer l'ensemble de ces données. Ça interpelle quand même. Mais si on rapproche ça de l'achat il y a pas longtemps de LinkedIn, donc c'est une sorte de réseau social professionnel, 26 milliards d'euros quand même, ils ont dépensé pour acheter ce truc-là. C'est-à-dire que non seulement ils ont notre livret scolaire, mais maintenant ils ont nos CV aussi. Voilà. Après. Voilà, on peut continuer à penser qu'on n'a rien à cacher, mais ils ont tout le cursus. Et puis la seconde chose par rapport à ce que disait Dominique, c'est ce qui pose aussi problème, donc on essaye de sensibiliser et de responsabiliser à ces usages. Dans le même temps, on n'est pas à l'abri, y compris si on n'utilise pas. C'est-à-dire que quand on met une photo sur Facebook, elle est, il y a des métadonnées, il y a des informations, elle est taguée. La reconnaissance faciale existe, elle est pratiquée par ces entreprises-là. Donc on sait les photos sur lesquelles je me retrouve ensuite à tout moment, n'importe où. Voilà, on est identifié quoi qu'on fasse, y compris si on n'est pas sur ces réseaux sociaux. Les auditeurs ont des tas de choses à vous demander, messieurs. Restez bien avec nous. Nous irons retrouver Rémi de la Rivière et puis Isabelle de Saint-Denis. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Isabelle, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Pascal, bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Isa. Ouais. En fait, c'est juste une remarque que j'ai envie de dire aux femmes. Voilà, c'est effectivement, c'est comme un univers d'hommes, hein, chaque fois qu'on parle de logiciels, d'informatique. Mais voilà, ça m'interpelle aussi, c'est cet aspect où les femmes, elles sont pas trop présentes. Hein. Voilà, et qu'est-ce qui fait que voilà, on est arrivé à ce stade-là où voilà, les femmes, elles n'ont pas véritablement d'expression. Hein. Ouais, le monde de l'informatique, c'est un milieu d'hommes, vous le pensez, Isabelle? Oui, un peu. Ouais. Bon, après, là, on parle de logiciels libres, effectivement, donc cet aspect-là, moi, ça m'a complètement bouleversée dans mon choix aussi, hein, de me mettre au libre. Parce que c'est vraiment, c'est le partage des connaissances. Et c'est vraiment une démarche, c'est une éthique à laquelle on doit être sensible. Donc, et voilà, on subit énormément, je trouve, tout cet aspect informatique, toute cette utilisation. Et donc, femme, autant homme que femme, on est tous concernés par ça, quoi. Donc, Eric voilà, Grosset, vous en pensez quoi? Alors, sur le fond, Isabelle a raison, il y a assez peu de femmes dans nos, dans les différentes associations liées au numérique dans lesquelles je suis. C'est pas faute de les inviter, on essaye de les faire venir, mais le monde numérique est juste à l'image de notre société, où les femmes ont quand même continué à grandir, je pense malheureusement, avec des Barbies et les garçons avec des boîtes à outils. Donc les boîtes à outils se transforment en codeurs et les Barbies se transforment en ce qu'elles peuvent quand on leur laisse un peu de place. Donc ça, c'est un problème fondamental aux sociétés. Le numérique y échappe un petit peu parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même plus de femmes dans le numérique que dans d'autres métiers. Et puis, on a des femmes qui réussissent très bien dans le numérique. J'en veux pour preuve la patronne de Yahoo qui est une femme. Isabelle, merci beaucoup. Nous avons Rémi de la Rivière au téléphone. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Du coup, moi je vous appelais. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel je suis sensible et au point qu'il y a quelques mois, j'ai su pas mon compte face parce que je commence à voir un peu les dérives. Y avoir dans mon entourage et là justement je suis en train d'essayer d'entamer une mise au propre de mon ordinateur et je me pose des questions par rapport à ma messagerie. Aujourd'hui je suis toujours sur Hotmail et j'arrive pas à trouver une messagerie efficace alternative où je puisse avoir un contrôle de mes mails. Donc je voulais poser cette question à vos invités et également de savoir que tout le monde a plus ou moins des bloqueurs de pub justement pour pas être passé. Alors attendez Rémi, par moment ça coupe votre téléphone, vous disiez? Excusez-moi, en fait je posais la question par rapport aux bloqueurs de pub, parce que on a tous plus ou moins sur notre logiciel, et moi je suis sur Firefox, et là de plus en plus quand on veut regarder des vidéos, en fait les vidéos sont pas accessibles parce qu'il y a le bloqueur de pub qui est détecté en fait. Et je voulais poser la question aux invités de savoir s'ils avaient des solutions pour, un logiciel qui bloque les bloqueurs de pub. Alors messieurs, c'est vous les spécialistes. Alors je vais commencer par répondre sur la messagerie. Oui, Eric Gouazé, il y a un superbe système de messagerie open source et crypté qui s'appelle Libre, c'est ça. Libre, oui. D'accord. Qui s'appelle Tutanota, qui est fait par une société allemande, mais qui est accessible en français. C'est une belle start-up qui évolue régulièrement. Au départ, on avait un nom de domaine chez eux. Maintenant, on peut avoir son propre nom de domaine et on peut très simplement, à partir de leur webmail, crypter ses mails et être sûr que les données sont protégées. Donc ça existe, il faut chercher un petit peu, c'est vrai. Non, Pascal Gassouin, pour répondre à Rémi. Il se pose des questions là. C'est très intéressant de se poser ces questions là. C'est ce à quoi on essaye de répondre. C'est-à-dire que une fois qu'on a dit qu'il y a ces dangers là, c'est qu'est-ce qu'on propose à la place. Donc effectivement, il y a ce type de solution qui vient de donner Eric. On essaye aussi, on en parlera pendant les rencontres mondiales, de développer des hébergeurs alternatifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, locaux. Comment répondre à la centralisation de toutes nos données chez ces grands hébergeurs et de nos données, mais aussi de tous ces services. Mais c'est peut-être en délocalisant complètement les choses et en faisant en sorte, alors Framasoft, qui sera présent pendant les rencontres mondiales, est en train de lancer ce qu'on appelle Chaton, qui est un collectif d'hébergeurs alternatifs. On va essayer de le proposer aussi aux associations. En gros, c'est l'artisan boulanger qui va proposer des services du net et l'hébergement de ces mails. Donc la réponse à la question sur le mail, c'est souvent c'est l'auto-hébergement. L'auto-hébergement, ça commence à poser un problème de compétences. Il faut savoir le faire. Là, on est en train de voir comment un monde associatif ou en tout cas de l'économie sociale et solidaire peut proposer des réponses alternatives à ça. Donc j'ai envie de... Rendez-vous entre le 7 et le 10 juillet. Là, il y aura des réponses concrètes à apporter. Et puis par rapport à la question sur Firefox, alors qui est un logiciel libre, Firefox, qui effectivement dispose d'un logiciel de bloqueur de pub, Adblock. J'ai pas de réponse là immédiate. Peut-être qu'Eric là, c'est voilà. Maintenant, les sites mettent des anti-bloqueurs de pub. Mais c'est intéressant parce que cette question est fondamentale. Elle montre le premier usage et l'usage fondamental de nos données privées. C'est-à-dire que c'est parce que je laisse mes données au pouvoir de ces sociétés que ces sociétés vont me vendre de la publicité ciblée. Enfin, elles ne me la vendent pas à moi. Ciblée, voilà. Elles la vendent d'abord à des grosses sociétés qui disent, voilà, je veux un jeune qui a entre 25 et 35 ans, qui soit plutôt passionné de voitures, qui aime bien la mécanique parce que j'ai un produit à vendre. Est-ce que je peux lui afficher cette publicité avant sa vidéo? Chose qui est impensable pour les annonceurs traditionnels qui, eux, nous mettent des jolis 4x3 et qui ne nous ciblent pas personnellement. Et en fait, c'est juste le retour de bâton. C'est-à-dire, la publicité, elle est intrusive parce qu'on a donné toutes les données qui lui permettent d'être intrusive. Alors, merci Rémi d'avoir appelé. C'est un sujet qui passionne vraiment parce qu'au vu des nombreux messages que nous avons par SMS et aussi sur les réseaux sociaux, et puis au standard de la première, nous sommes vraiment désolés parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On va retrouver Yves Gruyer sur la route. Merci Pascal Gascoin. Vous êtes le directeur des CMEA, donc l'Association d'éducation populaire et Mouvement d'éducation nouvelle. Éric Gouezet, le co-organisateur des rencontres mondiales décentralisées du logiciel libre, donc c'est à partir du 7 juillet à Saint-Joseph. Et merci Dominique Leperlier, vous êtes le responsable informatique à la mairie. À très bientôt. Merci à vous. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Yves, sur la route. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves, vous êtes à Saint-Pierre. Il y a des travaux rue Auguste Babé, un secteur à éviter, hein, si possible. D'ailleurs, c'est indiqué, itinéraire conseillé plutôt par le boulevard Rivardeville. Si vous arrivez de Terre Sainte, notamment, alors Auguste Babé, elle se traverse en partie à sens unique, une partie à double sens. Mais voilà, donc il y a ces travaux qui se font en ce moment et pour une bonne durée. Hein, donc déjà pour toutes les vacances, réfection de trottoir, réfection de chaussée. C'est l'ancienne route nationale 3, hein, donc la rue Auguste Babé, sur la partie ouest de Saint-Pierre. Attention, voilà, le trafic est toujours un peu ralenti au niveau des échangeurs et c'est toujours le point noir, malheureusement 200 mètres avant l'échangeur de l'éperon, hein, je rappelle, c'est avant l'éperon, hein, donc que démarrent les bouchons sur cette route des Tamarins, la partie nord, avant de rejoindre Cambé. Circulation très difficile depuis plusieurs jours avec ces travaux qui se déroulent à un niveau de l'échangeur de Cambé. Donc patience à ce niveau. Par contre, hier c'est terminé. D'ailleurs, le véhicule qui était en panne tout à l'heure a été dégagé à la sortie du tunnel, pris en charge par un camion de remorquage. L'entrée est s'est terminée, toujours un peu de pluie dans l'est et avec un peu de ralentissement vers Beaulieu. Attention, des travaux entre la ravine des Chèvres et l'échangeur de Bel Air. Voie de gauche neutralisée dans un instant de 9h à 15h pour les travaux de nettoyage et de fauchage en terre-plein centrale. Bonne route. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Il est 9h sur la première, voici le journal de France. En édition spéciale pour suivre le référendum, un vote qui pourrait changer la face de l'Europe et qui fracture déjà le Royaume-Uni. On sera en direct de Londres dans un instant. Rester ou partir pour la nouvelle manifestation contre la loi travail, ce sera rester autour de la Bastille. On va tourner en rond. Comment ça va se passer cet après-midi à Paris? Le détail dans le journal. Et puis, il y a ceux qui restent et ceux qui partent de l'Euro de football. Cap sur les huitièmes de finale. L'Irlande sera finalement l'adversaire de la France dimanche. Du côté de ceux qui partent, la Suède et Zlatan. Il est arrivé comme une légende. Il part sur un flop éliminé par la Belgique. France Info. Le Royaume-Uni à l'heure donc du choix européen. Rester ou partir, le choix proposé aujourd'hui à plus de 46 millions d'électeurs britanniques. Ouverture des bureaux de vote dans une heure à Londres. Un vote toujours indécis. Les derniers sondages sont d'ailleurs contradictoires. La seule certitude, c'est que c'est très serré. Un suspense électoral à vivre toute la journée sur France Info. On retrouve tout de suite à Londres Nicolas Taillard, l'un de nos envoyés spéciaux qui va sillonner toute la journée les rues de la capitale britannique dans le minibus France Info. Nicolas, c'est un Royaume-Uni profondément divisé qui vote aujourd'hui. Oui, un pays divisé, déchiré même à l'heure du choix. Il y a deux Royaumes-Unis ce matin, même si cette fracture, elle n'est pas forcément apparente. Il n'y a pas beaucoup d'affiches dans les rues ici. Il y a des unes de journaux, par contre, qui permettent de saisir ce fossé entre pro et anti-Brexit de vision qu'on vous proposera d'entendre dans un quart d'heure à travers une balade dans les rues de Nottingham. D'un côté, cette peur d'être envahi, d'une Europe sans frontières allant jusqu'à la Turquie. C'est celle qu'on entend régulièrement dans la voix des pro-Brexit. La peur de ces travailleurs venus de l'Est aussi, avec le retour autour du mythe du plombier polonais, l'immigration qui s'est imposée dans les débats, parfois à l'excès. Puis, en face, il y a la peur de perdre, de voir les banques de la City faire leurs valises impensables il y a quelques mois. L'hypothèse d'une sortie est aujourd'hui crédible, de quoi faire frémir les partisans du maintien qui ont le ventre serré, forcément, ce matin. Brexit, or not Brexit, au pays de Shakespeare, tous les éléments de la tragédie sont réunis. Le prochain acte sur France Info, c'est dans un peu plus de 10 minutes. Et on retrouve Nicolas Taillard à 7h15 à Londres. Scrutin aux conséquences multiples pour l'économie, entre autres. Beaucoup de grands patrons ont pris position pour le maintien dans l'Union européenne. On est beaucoup plus partagé du côté des PME. Pourtant, il y a aussi les europhiles, ces PME qui exportent et qui craignent les effets très concrets du Brexit. Exemple à Ashford, dans le sud de l'Angleterre, avec l'une des envoyées spéciales de France Info, Isabelle Labéry. Ici, on fabrique des pièces en métal pour l'industrie depuis 3 générations. C'est là qu'on fait fondre le métal et qu'on le verse dans des moules. 80% de la production part à l'export en Europe du Nord. Alors oui, Tim Allen, le patron, est europhile. Aujourd'hui, je peux livrer aussi facilement à Munich qu'à Manchester. C'est exactement la même procédure, les mêmes papiers. Je mets la marchandise dans des camions et j'envoie. Si son pays sort, il perd de l'argent. Il pourrait y avoir de nouvelles taxes sur les salaires, le retour des barrières douanières, de la paperasse supplémentaire. Tout ça ralentirait la circulation à travers l'Europe. Les 250 salariés du groupe ne sont pas tous aussi enthousiastes. Martine, l'ingénieur qualité, ne sait toujours pas ce qu'il va voter. Je comprends le point de vue de l'entreprise. Mais il ne faut pas regarder que le business. Il y a aussi la question des frontières, de l'immigration, tout ce qu'on reçoit de l'Europe, tout ce qu'on lui donne. Il y a plein de choses à mettre dans la balance. Lorsqu'on veut changer les choses, répond son patron, mieux vaut être dedans que dehors. Mais ça, un Anglais a forcément du mal à comprendre. Ashford, Isabelle Labéry, France Info. Voilà, et spécial britannique, 6-9 spécial britannique aujourd'hui sur France Info, Isabelle Labéry et Nicolas Taillard. On les retrouvera tout au long du 6-9. Rendez-vous tout à l'heure donc à 7h15 dans le minibus de France Info. France Info. À 7h presque 5, un autre grand titre de l'actualité, c'est la nouvelle manifestation à Paris contre la loi travail. Et oui, on va donc finalement défiler aujourd'hui à Paris, après une journée marquée par une valse hésitation, une manifestation d'abord interdite, puis finalement autorisée, mais sur un parcours peau de chagrin, de Bastille à Bastille, en fait autour du bassin de l'Arsenal, sous très haute surveillance. Bonjour Olivier Bois. Bonjour. 2000 policiers mobilisés pour surveiller ce périmètre très limité. L'objectif, évidemment Olivier, c'est de faciliter la surveillance et le contrôle de la manifestation. Exactement. En théorie, en fait, cet après-midi, tous les manifestants pourront être contrôlés. C'est la grande différence, en fait, avec les autres manifestations qu'on a connues. Quand vous avez un cortège qui défile sur plusieurs kilomètres, c'est impossible de contrôler tous les accès, de contrôler toutes les rues qui longent le parcours. Et c'est comme ça, d'ailleurs, le plus souvent, que les casseurs arrivent à s'incruster dans la manifestation. Là, la préfecture de police a délimité un périmètre de sécurité qui englobe toute la zone du défilé. Ça veut dire que les policiers, dès la mi-journée, ils ne bougeront plus. Ils vont s'installer pour tenir en quelque sorte tous les points d'accès, toutes les rues alentour, pour pouvoir contrôler les gens qui rentrent. Il y aura des fouilles, les sacs également seront ouverts. Et c'est vraiment le modèle de ce qu'on peut connaître actuellement avec les fan zones, contrôle à l'entrée pour qu'aucun objet dangereux ou projectile ne puisse rentrer. Et puis il y a une autre originalité cet après-midi dans le dispositif. Vous savez, les jours de manifestation, ce sont les voitures qu'on enlève sur les boulevards. Là, le problème, c'est que le cortège, vous l'avez dit, va défiler le long du bassin de l'Arsenal, qui est juste à côté de la Bastille. Alors d'une part, ça inquiète un peu les policiers qui n'aiment jamais quand il y a de l'eau sur le parcours d'une manifestation. Mais ça inquiète aussi les propriétaires de bateaux qui sont amarrés là. Donc depuis hier soir, ceux qui en font la demande, c'est ça qui est original, ils peuvent bouger leur bateau exceptionnellement le temps de la manifestation. Ils peuvent encore d'ailleurs le faire ce matin. Olivier Bois du service police-justice de France Info. Et pour en arriver là, la journée d'hier a été marquée par la volte-face côté gouvernement. Manif interdite le matin, autorisée à midi. La préfecture avait d'abord dit non, puis après avoir reçu les leaders syndicaux, le ministre de l'Intérieur a finalement dit oui, avec ce compromis sur un parcours limité, une séquence dénoncée à droite, mais aussi à gauche comme un couac gouvernemental, malaise d'ailleurs à l'Assemblée, y compris dans cette majorité où des députés socialistes ne sont pas tendres avec Manuel Valls, le Premier ministre jugé premier responsable à l'Assemblée. Pour France Info, Julien Langlais. Les partisans du Premier ministre comme Philippe Doucet ont bien tenté d'expliquer hier aux journalistes que ce scénario de sortie de crise était prévu. Non mais ce que je veux dire par là, c'est de trouver une porte de sortie où chacun perd pas la face. Ils n'ont pas convaincu. C'est pas sérieux. Le député socialiste de Marseille, Patrick Mennucci, fait partie de ceux qui avaient prévenu Manuel Valls qu'interdire la manifestation n'était pas une option. Ce que je constate, c'est que la décision qui était prise n'était pas la bonne. Le ministre de l'Intérieur a pris ses responsabilités. Bernard Cazeneuve, c'est quelqu'un qui comprend le pays, qui sait les questions politiques, qui connaît aussi les questions sociales et il a pris la bonne décision. Sous-entendu, contrairement aux locataires de Matignon, dans le viseur de plusieurs élus de la majorité, bien au-delà des frondeurs, comme le député PS des Hauts-de-Seine, Alexis Bachelet. Je pense qu'à des moments, et en particulier je pense au chef de gouvernement, on est dans la brutalité et le déni. Donc là, à ce moment-là, il y a des gens comme Bernard Cazeneuve, peut-être le président de la République, qui rappellent au Premier ministre que, bah non, on ne peut pas passer contre l'avis de 90% des Français. Je pense qu'il y a un moment donné où le soutien sans recul au chef du gouvernement porte préjudice au président de la République et au fonctionnement des institutions. Donc à un moment donné, j'en appelle effectivement à François Hollande pour essayer de remettre de l'ordre. Un appel un peu désespéré au chef de l'État pour ses députés dont la fin de quinquennat s'apparente déjà un véritable chemin de croix. Et Julien Langlais à l'Assemblée pour France Info. Le cortège doit partir cet après-midi de Bastille à 14h pour tourner donc autour du bassin de l'Arsenal. La station de métro Bastille sera d'ailleurs fermée dès le début de l'après-midi, rouverte en principe quelques heures après pour faciliter le départ des manifestants. Patrick Balkany, le député maire, les Républicains, Levallois-Perret, de nouveau dans le viseur de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France. Selon nos confrères de France Bleu 107.1, les juges épinglent la gestion d'une société d'aménagement immobilière contrôlée par la ville de Levallois-Perret, la Semarelp, qui serait particulièrement généreuse avec ses dirigeants et ses salariés, surtout s'ils sont proches du maire. Mise en examen 4 fois dans d'autres affaires, Patrick Balkany vient d'être réinvesti par les Républicains pour les législatives de 2017. Allez, dans l'Euro de football, ça y est, on connaît le tableau des 8e de finale. Il s'est complété hier avec encore son lot de surprises. La France affrontera finalement la République d'Irlande et non pas son voisin du Nord. L'Irlande ayant fait sensation en battant l'Italie. 1-0 en fin de match. À Lille, pour France Info, le récit de Cédric Guillou. C'est la première fois que la République d'Irlande arrive à sortir des poules lors d'un championnat d'Europe. Jusqu'alors, les Irlandais avaient toujours échoué au premier tour, que ce soit en 1988 lors de leur première participation à un Euro ou en 2012. Robbie Brady, le buteur irlandais hier soir. On a fait une grande performance, on a obtenu le résultat qu'on méritait à la fin. C'est absolument incroyable. Je suis vraiment fier de moi. C'est fantastique pour mon équipe. Courageuse, à défaut d'être brillante, déterminée, portée par des supporters dynamiques et bouillants, la République d'Irlande se met maintenant à rêver un exploit contre les Bleus en 8e de finale. Martin O'Neill, le sélectionneur irlandais. C'est un super match pour nous. On va jouer une grande nation, la France est très forte, c'est l'organisatrice de ce tournoi et elle est en forme actuellement. Ce sera vraiment un gros test pour nous. Mais après cette victoire contre l'Italie, la République d'Irlande semble prête pour contrarier l'équipe de France. À Lille, Christian Palca, Cédric Guillou, France Info. Hier, la Belgique a aussi éliminé la Suède 1-0. La fin de la carrière internationale pour Zlatan Ibrahimovic. Le Portugal a lui été sauvé par Ronaldo. Le Portugal 3 fois mené au score et finalement match nul 3-3 face à la Hongrie. Le début des huitièmes, c'est samedi avec notamment Croatie-Portugal. Justement, et le rendez-vous France-Irlande, ce sera dimanche à 15h. Jean-Christophe Martin. L'info revient à 10h. Il est 9h11 sur la première. Le temps est gris au réveil, c'est clair. Et puis dans les régions comme l'Est, le Sud sauvage, le volcan, c'était aussi nuageux. Mais ça ira mieux dans le courant de cette matinée. Ailleurs, le temps est bien ensoleillé. Et puis au cours de l'après-midi, les nuages de pente qui vont se développer sur le relief et laissant du coup les plus hauts sommets complètement dégagés sur les côtes ouest et sud. C'est un ciel qui fera surtout beau à voir. À l'approche des vacances, comment vous faites pour le chien qui se trouve à la maison, qui s'en occupe en votre absence, qui lui donne à manger, à boire et qu'il sort, l'abandon, comment lutter contre? Est-ce que vous êtes au courant qu'il existe des structures d'accueil pour les chiens? Les experts de l'éducation canine sont sur la première ce matin. Merci de composer le 02 62 99 2000. Posez toutes les questions également sur le comportement de l'animal, sur son alimentation, sur sa santé, sur les aboiements intempestifs qui dérange un petit peu tout le monde. Vous avez la parole jusqu'à 10h. Les experts de Réunion Première, 0262 99 2000. Réunion Première. Mister Love. tout y commencé, pour clignotement de lisier. Val Morégor, c'est ce beauté qui m'a dit trouvé. Pas t'y fais comprendre, tout ce qui t'y bien arrive, moi. Donne-moi confiance, d'autres c'est moi qui n'a l'piaisé, oui. Vrai l'amour, signé Mister Love sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Quel est le chien que vous avez à la maison et pourquoi ce chien tout particulièrement? On peut en parler avec les experts et quelles sont les questions aussi que vous aimeriez poser à nos spécialistes? Est-ce qu'il aboie beaucoup ce chien et est-ce que cela devient un problème pour vous et vos voisins? Je pense que oui, on est là pour en parler avec les experts. Céline Chimanovitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire. Oui. Et puis Charlie Gilbert, éducateur canin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les auditeurs de Réunion Première. Alors un mot, parce que les vacances approchent et on sait que c'est assez problématique, c'est même très problématique, Céline Szymanowicz. L'abandon des chiens. C'est une période critique parce que les vacances arrivent et comme chaque année, toutes les associations essayent de faire passer le message auprès des propriétaires d'animaux de surtout de ne pas abandonner leur compagnon. Il faut savoir que quand on a un animal, il faut l'assumer et en principe on a un animal parce qu'on l'aime. C'est une responsabilité aussi. Oui, c'est une responsabilité. Et puis en principe, on l'a parce qu'on l'aime. Alors donc, on se doit de ne pas. Enfin, ça paraît aberrant ces histoires d'abandon. Enfin, il y a des personnes. Moi, j'ai eu vraiment du mal à comprendre qu'ils abandonnent leurs animaux en partant en vacances et puis au retour de vacances, ils vont en prendre un autre. Donc ça c'est toujours hallucinant et incompréhensible. Il faut savoir qu'il y a des structures pour les vacances. Il existe des professionnels, des refuges, des structures d'accueil. Alors il y a deux choses. Oui, il y a deux choses. On va pas tout mélanger. Il y a les pensions canines ou des pensions félines. D'ailleurs, il y a des chatteries aussi pour les chats. Ou contre petite prestation, vous pouvez confier votre animal pour les vacances. Donc il y a plusieurs types de pratiques. Hein. Il y a des qu'on peut trouver dans les pages jaunes. C'est facturé ou à la journée ou au forfait. Okay. Mais bon, on peut se renseigner dans les pages jaunes effectivement et trouver les professionnels ou par réputation aussi. Hein. Il suffit d'en parler. On va avoir des adresses de bonnes adresses. Alors il y a les refuges et là c'est quand même important aussi à savoir. Moi j'aimerais bien aussi que les gens arrêtent d'abandonner sur la voie publique et dans la forêt. Au moins, c'est parce que c'est terriblement lâche d'abandonner un animal qui va ni avoir à manger, ni pouvoir se réfugier, et qui risque de se faire écraser par les voitures. Au moins, quand on a la bêtise de vouloir abandonner son animal, qu'on le fasse au moins correctement. Qu'on prenne ses responsabilités et qu'on aille au moins le déposer à un refuge. Ouais. Un refuge. Ouais, à une structure qui va pouvoir quand même l'accueillir, sans l'héberger, bien sûr. Et donner le minimum. Charles Guilbert, votre sentiment un petit peu sur ces abandons, parfois très sauvages. Comme vous le disiez tout à l'heure, Céline Szymanowicz, on dépose dans les forêts, sur les sentiers. À La Réunion, il y en a qui vont abandonner leurs animaux en haut, au pas de Bellecombe. J'en ai vu au pas de Bellecombe, sur la route qui mène au volcan. On a fait tout ce chemin, les gens ont fait tout ce chemin. On traversait la plaine des sables, arrivé au pas de Bellecombe et on dépose les chiens. Il n'y a pas de mots pour ça. Ouais. Charlie Guilbert. C'est un problème récurrent à La Réunion, mais en France métropolitaine aussi. Ah non, bien sûr. Il y a plein des motifs. Les gens se trouvent des motifs pour abandonner leurs animaux. Ça peut être aussi, on prend un chiot, c'est marrant. C'est marrant. Ouais, c'est tout mignon. Donc, mais ça grandit. Alors, ça devient embêtant. Et également, si c'est un chien ou n'importe quel animal, c'est un budget d'entretien, d'alimentation, de soins, etc. Quand on regarde les frais chez le véto, l'alimentation, etc. Bien sûr. Voilà. Ce sont des frais. Donc, il y a des personnes sans scrupules qui abandonnent leurs animaux. Et c'est un problème récurrent, voilà. Alors donc, comme Céline dit, effectivement, il existe des refuges, des associations, beaucoup à La Réunion, il y en a pas mal, mais c'est des places limitées. Après, c'est pour éviter, en cas de départ aux vacances, où on ne peut pas prendre son chien avec soi, il existe les pensions. Maintenant, certains pays, c'est plus compliqué pour prendre leurs animaux. Exemple, pour Maurice, ou d'autres destinations, surtout les anglophones, où ils ont des mises en quarantaine. Donc là, la solution, c'est de le mettre en pension, voilà, chez un professionnel. Donc là, il aura. Ce sont là des gens sérieux. Ceux qui accueillent les chiens, c'est. Je pose quand même la question, oui. Alors, moi, en tant que pensionneur, j'ai 5 capacités qui me sont données par la direction des services vétérinaires. Il y a un suivi. Par la préfecture. J'ai des certificats. Mais il faut que le propriétaire d'un chien qui veut se mettre en contact avec des pensions, qui demande ça en premier.

Bonjour, je suis sur la route de la Plaine des Palmistes, mais j'habite pas à la Plaine des Palmistes. Vous êtes sur la route de la Plaine des Palmistes. J'imagine, alors vous avez la température affichée dans la voiture ou pas ? 15 degrés à bord. 15 degrés, ouais. Ouais. Ça caille donc ? Mouillé, depuis, je pars de Sainte-Rose, donc je rejoins le tampon, ouais. En passant par la route des Plaines. Ouais. Route mouillée, brouillard, bras de calumet, etc. Enfin, soyez, en même temps. Soyez prudent. Alors, vous avez entendu parler, on a vu les images hier à la télé sur dans le JT avec Valérie Filal, du givre au Maïdo. Du givre au Maïdo, oui. Du givre au Maïdo hier matin, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Si fait beau, peut-être qu'on aura de la neige. Allez, on l'espère. Prosper, voilà. Une question pour les experts. Oui, tout à fait. Question pour les experts. Il y a quelques années de cela, j'habitais dans l'Ouest et j'avais un problème avec un de mes chiens. Le problème, c'est que je poserais la question, est-ce qu'un chien peut s'adapter à toutes sortes d'environnements possibles ? Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus quand vous parlez d'environnement ? Des lieux, à tout lieu, on va dire. Parce que le souci, c'est que arrivé le soir chez moi, mon chien, enfin, mais j'en avais deux, mes chiens n'arrêtaient pas d'aboyer, pendant toute la nuit. Et arrivé la journée, les chiens, ils dormaient. Bah oui, ils ont tellement fait la fête la veille que. Voilà. Et j'essayais de les calmer. Fatigués. En les appelant, parce qu'ils étaient libres. Ils étaient libres dans ma cour, bien sûr. Oui. Et le soir, ça gênait tout le voisinage, quoi, en quelque sorte. Enfin, même moi-même, personnellement, j'entendais mes chiens aboyer toute la nuit. Donc, à un moment donné, ça m'a vraiment énervé. Alors, du coup, Prosper, les voisins sont venus vous voir, vous en avez discuté. Ils se sont plaints. Y a des moments où je m'énervais un peu avec mes chiens. Pour essayer de les calmer, pas en les battant, mais à un moment donné, une fois, ça m'est arrivé en battant un de mes chiens, et là, j'ai regretté de l'avoir tapé, quoi. Oui. Alors, Prosper, oui, non, mais Prosper, vous restez avec nous parce que votre réaction, votre commentaire est très, très intéressant, ce commentaire-là. Les experts, Céline Chimanovic et Charlie Guilbert tout à l'heure. Ouais. Pour répondre à la première partie de la question, parce qu'en fait, il y a deux choses dans sa question. Ouais. Première partie de la question, est-ce qu'un chien peut s'adapter à tout environnement, oui. Ou à toute situation? Oui. Oui, mais il faut l'accompagner. Où il faut l'éduquer. Donc c'est vrai que plus un chien jeune a été habitué à tout un tas de situations et tout un tas d'environnements, plus après l'adaptation est facile. Et en grandissant, si on n'a pas eu l'occasion de lui présenter toutes ces situations, c'est encore faisable, mais ça demande plus de temps. Donc il faut s'adapter en fait à ce moment-là. Excusez-moi madame, oui. Mon chien que j'avais eu, je l'ai eu étant petit. Oui. Donc je l'ai habitué depuis étant jeune dans l'environnement où il était. Oui. Moi je l'ai accompagné, j'ai fait un peu son éducation. Excusez-moi, je suis avec un véhicule un peu long et donc je suis obligé d'avertir mon arrivée dans les virages. Il vaudrait mieux que monsieur se gare pour nous téléphoner. Tout ça en direct. Ah, c'est bon, j'ai un kit main libre, c'est bon. Et donc, deuxième partie, en fait, c'est parce que je répondais plus à la question générale sur le changement d'environnement. Sur l'environnement, oui. Après, sur le fait que vous ayez des chiens qui aboient toute la nuit et puis qui ne disent plus rien la journée, en principe, je dirais, eux, ils ont fait leur job. Sans doute qu'il y a dans la nuit, il devait y avoir des choses qui les mettaient en alerte. Peut-être un chat qui passe, un groupe de jeunes qui passe dans la rue. Pas du tout de cela, parce que à chaque fois que j'entendais les aboiements assez répétés, ouais. etc., je sortais de la maison, je mettais la lumière, je regardais s'il y avait un chat ou quoi que ce soit pour les aléater. Non, il n'y avait rien du tout. Charlie Guilbert. Oui, comme Céline disait, dans la question, il y a deux questions. pardon. Un chien peut s'adapter dans n'importe quel environnement du moment qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire une compagnie, se balader, être sorti, etc., etc., et qu'il y ait une relation d'amitié avec le propriétaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour les aboiements, faut déjà savoir que deux chiens, il y a toujours un qui va entraîner l'autre à aboyer. Donc ils vont se mettre, le deuxième se mettra à aboyer. Maintenant, s'il n'y a pas de menace véritable la nuit, c'est qu'ils n'ont pas de champ de vision pendant la nuit. Et vos chiens sont peut-être pas sûrs d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ils préfèrent prévenir que guérir. Ouais. Il peut y avoir un micro-bruit, un petit souris qui passe, un truc qui les met sur le qui-vive et puis qui réagissent. Ouais. Donc, pour répondre aussi, quand vous parlez de votre environnement à vous, vous les avez habitués. Non, il faut les habituer au monde extérieur. Leur territoire, ils vont le connaître assez tôt. C'est pas un problème, ça. Mais c'est au monde extérieur qu'ils connaissent les bruits de l'extérieur. Après, j'ai déménagé. Oui. J'ai donné un de mes chiens que j'avais battu auparavant. Et le deuxième, je l'avais gardé et je l'ai emmené avec moi. Et figurez-vous, au changement de situation, au changement d'endroit, etc., la chienne que j'avais étant petit, le soir, elle aboyait plus. Elle était plus calme que là où elle était auparavant. Toujours pareil, dans les mêmes contextes. Parce que la bonne manœuvre a été... Elle avait son coin pour dormir, etc., bien sûr. Parce que... Oui, parce que le meneur, d'après ce que j'ai compris là, c'est ça, Charles Gilbert. C'est ça. Le meneur est parti. Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout. Même avant que la chienne que j'ai donnée auparavant, la chienne que j'ai gardée jusqu'à en dernier, et elle aboyait aussi étant toute seule. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce que les chiens peuvent s'habituer à tout environnement possible. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que il m'a semblé savoir que les chiens, ils ont un septième sens plus développé que l'être humain. Sixième, on va s'arrêter au sixième sens, pas aller jusqu'au septième. Un sixième sens. En tout cas, c'est très intéressant, mais c'est vrai que oui, le chien s'adapte à tout environnement. Ça, oui, c'est clair. Après, c'est vrai que c'est des cas à chaque fois qu'il y a des chiens qui aboient la nuit, c'est des cas particuliers où il faudrait qu'on voit la situation, l'environnement. Faudrait presque passer une nuit pour voir qu'est-ce qui se passe réellement, pour voir le comportement des chiens l'un avec l'autre, pour voir ce qui se passe aussi dans la journée. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Il y a l'effet meute, il y a l'effet environnement. Mm-hmm. Il y a parfois, c'est même pas des fois on dit effet de meute, on parlait de meneur, mais même pas forcément. Peut-être que les deux étaient s'entraînaient l'une l'autre. Donc c'est complexe, hein, c'est complexe. Et c'est un problème qui est pas facile à résoudre. Hein, ça c'est vrai. C'était un problème assez récurrent pour moi, donc c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai dit j'arrête de garder des chiens. Vous avez abandonné. Merci. C'était très intéressant, Prosper. Et puis bonne route. Hein. Vous allez dans quelle direction? Tampon. Là, je suis arrivé au-dessus du col de comment on appelle Bellevue. Piton rond, au-dessus du piton rond, brouillard toujours, route mouillée. Il y a des bus qui montent, qui descendent dans les chemins des bras de la plaine, mais ils n'avertissent pas leur arrivée. Donc, ce serait bien qu'ils klaxonnent, s'ils écoutent Réunion Première. Écoutez, en plus, vous nous faites un excellent Yves Gruyer là à l'instant. Merci. Moi, j'annonce mon arrivée quand même. Je suis avec un véhicule de 15 mètres de long, donc j'annonce mon arrivée. Et donc, les gens, ils sont cloîtrés dans leur voiture avec la musique à fond. Peut-être. Vous êtes vraiment très bon. Merci à vous, Prosper. Voilà. Merci. Bonne journée à tout le monde. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci de votre fidélité. 02 62 99 2000, nous reviendrons au standard juste après Jennifer Lopez sur la première. Shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on. yours. Ah, yeah, yeah, yeah. Stop getting on my nerves. Ah, yeah, yeah, yeah. Lopez sur Réunion Première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Alors un mot sur le chien que vous avez à la maison. Pourquoi ce chien tout particulièrement? Parce qu'il y a aussi la mode, Céline Jimanovic et Charlie Gilbert. On prend un chien parce que c'est la grande tendance. Et c'est vrai. Ouais. Mais après on se rend compte que c'est un peu la galère. Combien de gens sont venus me voir pour me dire, mais alors le Husky il est magnifique quand il est petit. Mais alors une fois que c'est grand... C'est envahissant. Plus qu'envahissant, parce qu'il il s'en va. Il s'en va, il fugue. Ah oui, c'est... Donc, le choix du chien, c'est vraiment quelque chose de... Oui, c'est vrai qu'il y a des effets de mode avec par le biais de ce qui se passe au cinéma ou à la télévision. Ouais. Donc, ça donne envie. Le chien est star, donc on se dit, tiens, on va avoir une petite mascotte comme ça aussi à la maison. Une star à la maison. Ouais, mais ça se passe pas comme ça. Hein. La télé, faut se méfier. Hein, c'est comme la publicité. Faire attention. Charles c'est Gilbert. Très vendeur. Le husky, ouais, c'est spécial. Ouais, je connais un husky, Djembe, il est génial, mais il travaille, il fait de l'attelage. Donc, il est dans son élément. Par contre, je connais d'autres huskies, ils sont attachés. Et là, c'est la folie, c'est des hurlements, c'est de la folie. Ou dans des appartements où ils n'ont pas de sport, ils ne sont pas sortis régulièrement, etc. Ben, le husky s'ennuie. Et un problème récurrent chez le husky, c'est qu'il est également d'instinct fugueur. Donc ça, c'est le problème. Alors moi, j'entends dire aussi que fugueur, bagarreur aussi. Non, ça va pas chercher des histoires avec d'autres chiens. S'il est bien éduqué, s'il est bien dans sa tête, il y a aucun problème. Faut pas oublier que le husky est habitué à vivre en meute. C'est un chien de traîneau. C'est un chien de traîneau, donc oui. il connaît son attelage et s'il est bagarreur, c'est pas possible pour le mucheur de travailler. Voilà, donc non, c'est pas forcément bagarreur. Ouais, mais têtu aussi. Têtu un peu plus, ouais. Ouais, têtu. Alors, on peut en tirer quelque chose vraiment avec ce chien ? Ouais, bien sûr, j'en ai beaucoup en éducation. On va pas faire marcher un husky au pied comme un berger allemand, c'est pas fait pour. Hein, ouais, d'accord ? Ouais. Mais bon, sans glitir, etc. Une balade avec un husky au harnais, une rando, c'est génial, quoi. Oui, c'est un chien qui aime bien le sport, aime bien travailler. Donc on peut aussi faire de l'agility avec. Ça aime bien l'activité. Donc. Dominique Dutampon est avec nous sur la première. Bonjour Dominique. Bonjour Claude, bonjour les experts sur l'antenne. Bonjour. Céline Chimanovic, vétérinaire. Charlie Gilbert, qui est éducateur canin. Qu'est-ce qui se passe avec votre chien, Dominique? Moi, j'ai un malinois. qui mangeait super bien. Il était un petit peu en surpoids, je dirais. Mais là, ça fait pratiquement ouais, 2 semaines, 3 semaines qu'il a plus d'appétit et qu'il a perdu, je dirais, voire ouais, bon, 3-4 kilos. Quoi. Oui, 3-4 kilos, ça me semble. Oui, sans vouloir faire de régime particulier, non, c'est beaucoup. Donc là, en fait, il se passe quelque chose, c'est certain, qu'il va falloir l'emmener en consultation. Ça. Oh, mais il finit pas sa gamelle. Ouais, donc il y a quelque chose, Ouais. Sans doute que peut-être qu'il couve une maladie ou il est en train de développer une pathologie. Donc ça c'est le premier signe d'alerte, c'est que lorsque l'animal qui a pour habitude de bien manger ne s'alimente plus ou moins, il y a quelque chose. Est-ce que c'est un rapport avec l'hiver? Est-ce que le chien change de comportement? Au contraire, l'hiver, on aurait tendance à avoir un peu plus d'appétit, à faire un peu plus de réserve en prévision du froid. Ouais. Donc, le fait qu'il y ait une perte d'appétit, il y a quelque chose dessous. Hein. C'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément grave. Hein. Ça peut être une question de vermifuge, ça peut être des fois un petit peu comportemental, s'il y a eu un changement particulier dans l'environnement, mais ça mérite d'être contrôlé, et surtout 2 semaines avec une perte de 3-4 kilos, c'est beaucoup. Dominique, vous avez essayé de mettre quelque chose avec les croquettes, Charlie Gilbert, qu'est-ce que vous en pensez? Non, non. Non, de rajouter des petits morceaux de fromage. On va dire que c'est du bidouillage. Un petit peu de sardine. Non, c'est juste pour voir si l'animal, si le chien de Dominique, non, non. Non, moi je suis pas pour, parce que après le chien, quand il n'y aura pas son surplus, sa pâté ou les petits morceaux de fromage, il va dire non, ben moi j'attends le reste. Il va attendre le fromage. Par contre, il y a plein de vitalité, hein. Il bouge, il court, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je l'entraîne un petit peu tous les soirs. Il va gambader, il va sauter, il est plein de vitalité, mais le chien il a 14 mois. Ah voilà, c'est ce que je voulais vous demander, 14 mois. Donc c'est un changement déjà de croissance. Et vous lui donnez combien de repas par jour? 2. Un matin, un soir? Voilà, plutôt un midi et un soir. Essayez de faire un matin, un soir, qu'il ait le temps de faire sa digestion tranquillement. Et selon la qualité des croquettes que vous lui donnez, certaines marques de premium, de grande qualité, faut donner un peu moins quand même, parce que... Oh, mais j'essaie de varier un petit peu son alimentation, c'est très bien. Ça c'est ce que je fais, des légumes que j'achète, je prépare des épinards, etc., que je mélange avec sa pâté. Non, c'est la chose à pas faire. Vous allez le rendre difficile, votre chien. Les épinards, c'est pas bon? C'est bon pour un animal, déjà. Un animal, un chien dans la nature, il ne mange pas d'épinards. Hein. Non, il en a déjà. D'accord, ça, c'est sûr. Ouais. Ils ont besoin, par rapport à leur alimentation, à peu près 2 à 3% de produits végétaux. Ah ouais, je fais pas ça tous les jours, hein, je dirais. Ouais, mais bon, non. Dans ces croquettes, si c'est des croquettes de qualité, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il faut rien rajouter. Et diminuer un peu les doses, vous laissez un repas le matin, vous laissez la gamelle un quart d'heure, s'il n'a pas mangé, vous récupérez la gamelle. Et une gamelle le soir, bien sûr, la dose journalière divisée par 2. Hein. Et pareil, s'il ne mange pas, vous enlevez la gamelle. Voilà. Oui, mais par contre, ce qui est quand même inquiétant dans son cas, alors ça peut correspondre effectivement 14 mois à un changement de statut physiologique, passage effectivement de l'âge du jeune chien à l'âge adulte, avec des besoins alimentaires qui vont être un petit peu moindres. Ouais. Mais la perte de poids est quand même inquiétante. Ouais. Parce que normalement, un chien qui a fini sa croissance, après, il est stabilisé. Il ne doit pas maigrir. Il doit rester stabilisé. Il va manger moins parce qu'il aura moins de besoins, mais il ne doit pas maigrir. Donc éventuellement, s'il est plein de vitalité, c'est peut-être pas grave, c'est peut-être juste qu'il y a les hormones qui commencent à travailler, ouais. Et il y a peut-être des femelles en chaleur, c'est la période en ce moment qui le travaille, qui font qu'il a une perte d'appétit transitoire. Mais je dirais à monsieur, au grand maximum, si encore pendant une semaine le chien trafique un peu sur sa nourriture, veut pas trop manger et continue à s'amaigrir, là il vaut mieux consulter avant qu'il soit trop tard. D'accord. Parce que le chien, c'est capable de résister longtemps à des maladies qui ne paraissent pas. Donc il y a très peu de symptômes, on ne se rend pas compte. Et puis au moment où ça ne va plus, après, c'est trop tard. Donc il vaut mieux prendre les choses avant que ce soit la catastrophe. Bah, voilà Dominique. Il y en a un qui, bon, qui a peur, là il est plus jeune, il a un an. Bah, lui, moi je ne peux pas le laisser la gamelle de l'autre qui n'a pas mangé. Lui, il va manger. Ah oui, il faut leur donner à manger séparément pour être sûr que chacun ait sa ration. Mais ils sont tous les deux, oui, bon, je vais essayer de me donner à manger séparément. Ils sont ensemble. Ouais, il vaut mieux que chacun, parce que peut-être, effectivement, si vous avez un deuxième chien, c'est peut-être l'autre qui mange la part de celui qui maigrit. Et ouais, celui qui maigrit, il n'a peut-être pas ce qu'il aurait besoin. Voilà, Dominique. N'hésitez pas à prendre contact aussi avec votre vétérinaire. À très bientôt, Dominique. Merci beaucoup. Bon courage, bonne journée à vous. Du lundi au vendredi, Chloé, de 13h à 15h. Je vous propose 2 heures de détente et de découverte en musique. Un regard sur le monde qui nous entoure. Un voyage avec vous. Un jour, une histoire et un... Les informations nationales et internationales tous les jours. L'agenda pratique. Premier service, 13h, 15h. Sur Réunion Première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Dans un petit peu plus de 5 minutes, nous irons au marché forain de Brapanon. Notre animatrice nous attend sur place, Prisca. Là, on est sur la plaine des palmistes avec Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Bonjour. Alors, une question pour nos experts. Oui, moi je voudrais savoir combien de temps un chien va mettre pour s'adapter avec moi. Combien de temps un chien va mettre pour s'adapter à Marie-Thérèse? Un certain temps. Non, parce que là, je viens d'avoir le chien. On m'a dit qu'il a un an. Et bon, ça fait quand même 22 jours que je l'ai. Et il a toujours peur de nous. On peut savoir, alors, votre chien, c'est quoi? C'est un petit coton. C'est un tout petit coton. Oui. Coton de Tuléa? Coton... Je crois, oui. C'est blanc? Oui, il est blanc. Il est très, très, très joli. Ouais, mais le chien a peur de vous? Oui. Voilà, il commence seulement à remuer un petit peu la queue, mais il court à chaque fois qu'il me voit, il voit mon homme, il court. On vient de le donner à manger, je mets la gamelle. Il va courir, il va me laisser partir pour venir manger. Ouais, un petit peu il faudrait connaître les antécédents de ce petit chien. On ne sait pas comment il a été éduqué avant. Est-ce qu'il a été un petit peu traumatisé, maltraité éventuellement frappé ou chassé, ou pas habitué à l'homme, effectivement. Donc c'est à prendre en compte. Normalement un jeune chien encore un an, hein, c'est encore jeune, il peut s'adapter relativement rapidement, mais ça dépend de ses antécédents. S'il y a des antécédents un petit peu traumatiques, il va mettre plus de temps à s'adapter qu'un chien qui a eu une éducation normale. Mais ça sera réparé normale. Après. Alors il y a des chiens, on appelle ça le syndrome SPA un peu, c'est des chiens qui ont eu des vies vraiment malheureuses avant, et parfois jusqu'à leur mort ils restent quand même assez traumatisés. Ah bon? Ah oui, c'est très très difficile de les remettre en confiance. Ça vient avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur, on y arrive, mais il faut pas perdre patience quoi, faut vraiment. Restez avec nous s'il vous plaît Marie-Thérèse. Charles Gilbert, vous avez rencontré vous des chiens comme ça qui étaient au départ un peu créatifs et puis après il a fallu faire un petit travail? Bien sûr. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'embêter le chien. Il faut le laisser venir à soi. Il recule devant la gamelle, c'est pas grave. Vous lui déposez sa gamelle, vous partez. Dans toutes les actions, il faut que le chien prenne des initiatives et c'est lui qui vient vers vous. Quand il vient vers vous, vous lui faites voir que c'est bien, que vous êtes contente, etc. Petite caresse pour dire d'accord, c'est bien. Deuxième chose qui peut arriver aussi, c'est que vous ayez un chien qui soit soumis. Alors les chiens soumis, là maintenant l'autorité c'est vous deux, votre mari et vous. Donc s'il est un peu trop soumis, il va avoir tendance à se méfier. Et ça c'est possible aussi. Donc laissez-le venir à vous et vous verrez. Maintenant il n'a rien de perdu, c'est plus long et comme Céline dit, il faut beaucoup de patience, beaucoup de douceur, etc. Pour le mettre en confiance tranquillement, ça viendra progressivement. C'est sûr qu'il ne faut pas crier dessus. Ouais. Faut pas s'énerver dessus. Pardon Marie-Thérèse? Je ne fais que ça, je lui donne des caresses quand je passe à côté, quand je peux le prendre. Je l'ai déjà donné le bain et tout. Donc je le caresse. Ouais, on sent que vous aimez ce chien. Hein. Ouais. Mais vous avez l'impression que ce chien ne vous le rend pas, c'est ça? Ou alors? Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il ne va pas s'habituer avec moi. Ouais. Oh, si. Si ça va venir. Qu'il ne vous aime pas. Si, si, donnez-vous. Là, ça fait 22 jours. Ouais. Donnez-vous plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein. Ça ne va pas se faire instantanément. Oui, puis il y a des chiens qui sont plus méfiants que d'autres, ils sont plus sensibles que d'autres. Du moment que vous êtes patiente, ça va venir. Ce sera peut-être un peu plus long, mais à 22 jours, il n'y a rien de perdu. D'accord, non, parce que c'était un chien, apparemment, il était renfermé. Il était fermé dans le cage avec d'autres chiens. C'est ça, vous avez un petit peu l'historique quand même du chien. Oui, il a un passé qui n'est pas... Il n'a pas été très, très, peut-être très, très, très joyeux avant. Il n'est pas mis dans les bonnes conditions pour avoir prendre de l'assurance. Soyez patiente, Marie-Thérèse. Je vais l'être. Hein, soyez encore un petit peu patiente. Voilà, continuez ce que vous faites très bien d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup. Vous donnez à manger, les petites caresses et tout. Oui, c'est oui très bien. Il vous le rendra bien après. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie-Thérèse. Des questions par SMS au 06 92 608 335. Céline Timanovic, c'est vous la vétérinaire. Comment ça se passe pour une stérilisation? Ça, c'est la question de notre auditeur. Comment ça se passe? Une stérilisation, que ce soit pour un mâle ou une femelle, c'est une intervention chirurgicale. Moi, je parle de la stérilisation chirurgicale. Parce que la stérilisation, il y a contraception, hein, c'est différent. Donc, stérilisation chirurgicale, c'est définitif. Hein, une fois qu'on a pris la décision de faire stériliser, d'accord, on ne peut plus faire reproduire. Donc, mâle ou femelle, les protocoles sont assez semblables d'une structure à l'autre, mais en général, on reçoit l'animal le matin. Ouais. Hein, on l'hospitalise le matin. Il faut qu'il soit à jeun, de préférence propre. Si on peut lui avoir donner un shampoing avant, c'est encore mieux. L'intervention se déroule dans le courant de la matinée. On surveille bien le réveil suite à l'anesthésie. Et puis, en général, ils peuvent rentrer à la maison dès le soir, dès la fin d'après-midi. D'accord. Après, il y a une période de surveillance et convalescence qui est quand même assez légère, mais où on va pas faire de sport à l'animal, on va le laisser tranquillement cicatriser. D'accord. D'une petite quinzaine de jours, 10-15 jours. Et au bout des 10-15 jours, on retire les points et voilà, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. On a juste à faire très très attention au niveau de l'alimentation, parce qu'une fois stérilisés, ils ont parfois tendance à être un petit peu plus gloutons, à avoir un petit peu ça plus prend du poids, faim. C'est ça, ouais, il y a une prise de poids, donc il faut se reporter aux aliments spécifiques ou à des rations allégées pour éviter ça. Charlie Gilbert, un mot sur les morsures de chiens, par exemple. Ouais. Alors, bon, ça arrive, surtout pour les éducateurs, pour certains propriétaires. Il y a pas mal de cas. La première chose, c'est que bien souvent, le chien cherche à mordre quand il est craintif. Là, il est sur la défensive en permanence. Mm-hmm. Et là, c'est là où, quand on a un chien craintif en face de soi, il faut se méfier. Ça m'est arrivé encore cette semaine avec un berger allemand de 9 mois. 3 fois, il a essayé. Après, il y a des fautes à ne pas faire. C'est-à-dire que le chien est toujours un chemin de fuite. Comme ça, au lieu de faire face à l'humain, il peut s'enfuir. Mm-hmm. Deuxième chose, c'est forcément, c'est pas acculer un chien dans un mur, contre un mur. Là, il peut pas se sauver. Donc là, il y a grande chance qu'il morde. Voilà. Après, d'autres mordants, je trouve pas normal qu'un maître ne puisse pas retirer la gamelle de son chien. Ça, je trouve pas ça normal. Il y a un problème d'éducation dès le départ. Voilà. Donc il y a plein de cas. Hein. Tourner le dos à un chien, par exemple. Ça, c'est pas bon. Ah bah non, parce que là, même s'il n'est pas courageux, il en profite pour vous en mettre un coup. Là. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Mais les morsures arrivent. Moi, j'en ai pas mal, j'ai pas mal de cicatrices des jambes à la tête, mais bon, c'est sûr quand même sur 40 ans. Hein. C'est pas, je me fais pas percer tous les jours. Hein. Charlie Gilbert, éducateur canin, Céline Timanovic, vétérinaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À très bientôt. Merci. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Nous sommes sur le marché forain de Brabannon. Prisca, bonjour. Bonjour Claude, bienvenue ici dans l'Est. La pluie a cessé, c'est très agréable hein, de faire le marché. Nous avons rencontré Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bon, vous êtes à l'aise, hein, Chantal, à mettre ses savates de doigts. Pourquoi ne pas mettre les bottes? Ben non, la pluie tombe. Aïe, aïe, aïe. Donc la mouille toute. Ben oui, le soulier décolle, bon, peu. Savates de doigts. Mais ça va pas réel, les meilleurs. Ah, voilà, l'efficace, comme dirait Chantal. Alors, Chantal, un bon peu de moon l'a arrêté devant votre oui. bazar hein, ce oui. matin, parce qu'on propose une variété de concombres incroyables. Banaï appelle ça le concombre du Kenya, et où, comment on appelle ça? Kiwano. Donc, on va demander à Claude. Claude, vous avez déjà goûté au Kiwano? C'est excellent, alors... C'est ça, c'est quoi comme goût? C'est quand les verts, oui. on fait salade normale, et oui. quand les mûres, c'est salade de fruits. Donc c'est petit, c'est piquant en fait. Oui. Il y a des piquants oui. dessus. Oui. Ça a quoi comme goût? Bah, les concombres normales. Voilà, ils disent que c'est un mélange entre le kiwi, le concombre et la banane. C'est quand les mûres. Oui. Quand les mûres. Oui. Quand les mûres. Quand les mûres. Ouais. Mais et quand les verts, non. Oui, c'est kiwi. C'est kiwi, oui. c'est ça. Ça, ça. Vous avez votre fille à côté qui donne des explications. On va se rapprocher d'elle. Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, Dolores. Alors, vous connaissez ça ou le kiwana, là? Kiwano. Le kiwano, pardon. Oui. Donc, ça se mange comment? En fait, quand c'est vert, on mange en salade de concombre. Et quand oui. c'est mûr, on fait salade de fruits. En oui. plus, vous avez été très généreuses, hein, les filles, puisque elles ont mis trois concombres du Kenya dans le panier garni aujourd'hui, donc vous allez pouvoir le goûter. Et si vous êtes dans les parages, pas très loin, c'est très léger à manger, hein, le concombre. Je peux manger le soir, c'est pas lourd pour l'estomac. Bon, allez, merci pour cette info. En tout cas, si vous êtes pas très loin de nous, venez nous rejoindre avec le mot de passe qui est Zavoka Bleu, parce qu'on en a parlé ce matin avec Rasta. Il y a un beau panier garni avec à l'intérieur ce fameux concombre que vous allez pouvoir découvrir. Et d'après notre Miss, c'est très léger, très bon à manger le soir ou le matin, ou en salade ou en fruits. Donc venez nous rejoindre ici sur le marché forain de Brabannon avec ce mot de passe Zavoka Bleu. Et vous avez 30 minutes pour venir décrocher votre panier. Et je suis en compagnie de Jean-Claude Bachir. Oui. Un petit coucou en direct. Presque, ce concombre donc avec des piquants, il est originaire d'Afrique, hein, il me semble, c'est ça? Exactement. Ouais, ça vient, le kiwano, oui. C'est ça. Le kiwano, ça vient donc d'Afrique du Sud. Et on peut les utiliser. Alors ça se déguste frais, coupé en deux. Il peut aussi entrer dans la composition de nos salades exotiques, de cocktails, de jus de fruits ou de glace. Merci, voilà. On vous retrouve tout à l'heure. Entre le melon, la banane et le kiwi. Merci Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Ouais, mais c'est plus un concombre là. Carrément. Lionel Olivier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à toutes et à tous. C'est encore mieux en première et en plus avec un accent qui sera mis sur le groupe Jackson 5. Oui, on parlera de Jackie, de Toriano, de Jamen, de Marlon et de Michael, forcément, qui nous a quittés il y a plus de 7 ans maintenant. Donc les 5, alors il y avait Toriano, Jamen, il y avait Marlon, Michael et Jackie. Jermaine, oui, c'est ça. Ouais. Jermaine okay. Jackson. Ouais, très bien. Merci, à tout à l'heure. Un coup d'œil sur les pronostics hippiques de Pascal Maillot avec l'hippodrome, enfin le quintet sur l'hippodrome de la Teste de Buch, avec le prix du bassin d'Arcachon, avec 18 partants, le montant de la tirelire, 2 500 000 euros. Voici les pronostics de Pascal Maillot, le 3, l'As, le 4, le 2, le 6, le 9, 7, 17, et en cas de non partant, le 13, 3, L'As, 4, 2, 6, 9, 7, le 17 en cas de non partant, le 13. Il est 10h sur la première, voici France Info. Et c'est Rémi pour le journal Rémi, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. La Grande-Bretagne à l'heure du choix. Référendum historique aujourd'hui sur le maintien ou non du Royaume dans l'Union Européenne. Journée particulière, nous dira Nicolas Taillard, envoyé spécial à Londres. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir. Plus de 46 millions d'électeurs devraient s'y rendre. Parmi eux, Adrian, un retraité qui votera pour la sortie de la famille européenne. Nous irons à sa rencontre dans ce journal. Au programme également de cette édition, journée de manifestation contre la loi travail aujourd'hui à Paris. Le parcours, entre guillemets, du cortège pose question. Une boucle de 2 km qui inquiète le quartier. Une boucle de 2 km qui résume bien le quinquennat et un gouvernement qui tourne en rond pour l'ancien ministre Arnaud Montebourg. Et puis du football en fin d'édition. Les sensations du premier tour de l'Euro a commencé par de surprenants Islandais invaincus et bien présents en 8e de finale. L'équipe de France hérite, elle, de l'Irlande et de son public de feu. France Info. Un référendum historique donc au Royaume-Uni aujourd'hui. Il est temps de choisir. Les Britanniques veulent-ils rester dans l'Union européenne ou en sortir ? Le Royaume-Uni a toujours eu un pied dehors, ne faisant partie ni de l'espace Schengen, ni de l'euro. Les Britanniques ont l'occasion de sortir le deuxième pied aujourd'hui. Plus de 46 millions d'électeurs se sont inscrits pour voter. Les résultats définitifs sont attendus demain. Bonjour Nicolas Teillard, vous êtes en direct de Londres, envoyé spécial de France Info. Journée particulière aujourd'hui de l'autre côté de la Manche. Oui, au pays du rock, c'est une chanson des Clash qui est revenue à la mode. Riff de guitare dans l'isoloir, should I stay, should I go, partir, rester, les Britanniques doivent trancher. Le Clash, lui, l'oppose depuis des mois, les partisans des deux camps, et plus le vote se rapproche, plus l'émotion l'emporte dans un pays indécis, partagé entre rejet de l'Europe et peur du saut dans l'inconnu que représenterait une sortie. Should I stay, should I go, la réponse, elle débute à l'instant, ici avec l'ouverture des bureaux de vote, 46 millions d'électeurs appelés aux urnes, avec quelque part dans la tête cette chanson des Clash, mais aussi la suite du refrain, si je pars, il y aura des problèmes, si je reste, il y en aura le double. On saura demain matin si cette prophétie rock se réalise. Pour tout savoir des enjeux qui entourent ce choix, France Info, toute la journée, et le journaliste Quentin Peel qui sera notre invité de 8h40 à 9h. Nicolas Teillard, vous nous faites vivre cette journée historique en Grande-Bretagne à bord du minibus de France Info dans les rues de Londres. Vous l'avez dit, les deux camps au coude à coude, les intentions de vote qui diffèrent en fonction des régions et aussi en fonction de l'âge des électeurs. Les plus vieux sont beaucoup plus eurosceptiques. Illustration à Brig House, dans le nord de l'Angleterre, chez un retraité impatient de dire goodbye au vieux continent. Jérôme Jadot, reportage. À Brig House, impossible de manquer le pavillon d'Adrian Hartshorn, drapeau 23 juin Independence Day, placardé sur sa porte. Welcome. À 73 ans, c'est la première fois que cet ancien ingénieur non encarté s'investit dans une campagne. J'ai des sacs vote leave, on a des ballons vote leave, des crayons vote leave. Quitter l'Europe, ce n'est pourtant pas ce qu'a toujours voulu Adrian. Lors du référendum de 75, il avait dit oui à la communauté économique européenne. À l'époque, nos leaders politiques nous avaient dit qu'on intégrait une union commerciale. C'était peu après la guerre, et faire du commerce facilement et librement avec cette Europe était une excellente idée. Et le problème, poursuit le septuagénaire, c'est que cette Europe est allée au-delà. Ça a changé. Ils ont apporté leurs législateurs, leur parlement. C'est devenu fédéral et on n'a pas besoin de gens qui nous disent ce qu'on doit faire. Ils nous ont même obligés à vendre en kilogrammes et plus en livres. Un jour, ils vont nous empêcher d'avoir des verres en pinte dans les pubs. Et qu'importe si l'on peut toujours faire mention d'un point en livres à côté des kilos, ce qui grève aujourd'hui son pays, selon lui, ce sont les immigrés venus d'Europe de l'Est, invisibles toutefois, Brig House. Je ne me suis jamais senti européen, conclut Adrian, sauf peut-être pour les vacances en Espagne et en France. Au reportage de Jérôme Jadot et ce retraité, plus de 46 millions d'électeurs commencent à se rendre ce matin dans les isoloirs. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Grande-Bretagne pour ce référendum capital dans l'histoire de l'Union européenne. Et on retrouvera bien sûr Nicolas Teillard dans le minibus de France Info avec les reporters de France Info. Ce sera tout à l'heure à 8h40. La manifestation contre la loi de travail, finalement autorisée par le gouvernement avec un parcours un peu particulier aujourd'hui à Paris. Une boucle autour de la place de la Bastille, une boucle de moins de 2 km avec un départ à 14h, si on peut appeler cela un départ. 2000 policiers mobilisés, une centaine de personnes interdites de manifestation. Dispositif important pour un itinéraire inédit qui a un peu surpris les habitants. Les habitants qui se préparent parfois inquiets. Mathilde Lemaire. L'arsenal, des péniches, pergolas et saules pleureurs. Une oasis de détente dans la fureur parisienne. Une manifestation imprévue et à risque ne ravit personne ici. Olivier Pérez dirige la capitainerie. On va être encerclé par la manifestation et les manifestants. Sachant que nous, en contrebas, on a 160 bateaux. Sur les bateaux, il y a souvent du bois. L'inquiétude, c'est les jets de projectiles, l'incendie sur un bateau. Plusieurs plaisanciers hollandais inquiets ont quitté le port. Charlotte, 80 ans, vit ici à l'année. Elle reste zen malgré la visite de la brigade fluviale. Ils suggèrent de remonter sous la voûte du canal Saint-Martin pour être à l'abri. Personnellement, j'ai quand même un bateau de 15 mètres, on ne bouge pas comme ça d'un instant à l'autre. Et moi, de toute manière, je n'ai pas l'intention de bouger, je reste à ma place. Plus on crée la panique, plus on crée les événements. Sur les deux boulevards, là, certains se barricadent, comme le Paris Sport Park, qui accueille des scolaires sur des mini-terrains. Les tournois sont annulés. Barricadé aussi l'immeuble de la RATP. D'autres établissements restent ouverts, comme la boutique de Caroline, qui vend des salles de bain design. Impossible de tout fermer, trop de vitrines, trop compliqué. Nous prenons le risque de rester ouvert. On est désespérés. Il est grand temps de voter cette loi et qu'on en finisse. On veut vivre normalement et travailler normalement. Sur le même trottoir, Marc, spécialiste parquets et moquettes, lui se veut plus optimiste. Le magasin sera ouvert, au contraire. Je vais même essayer de leur vendre du parquet. Je vais faire des promos. Marc a confiance grâce au système de filtrage avec fouille des sacs mis en place en amont de la Bastille, comme une fan zone, en somme, mais version sociale. Et cette interdiction de manifester dans la capitale, puis ce rétro-pédalage du gouvernement a évidemment fait réagir. Nicolas Sarkozy estime qu'il n'y a plus d'autorité dans le pays. Le cofondateur du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, décrit lui un Manuel Valls obtus et confus. Un cafouillage gouvernemental dont profite Arnaud Montebourg. L'ancien ministre décrit des luttes qui se sont installées au sommet de l'État. Arnaud Montebourg qui a animé hier soir la première réunion participative de son projet France, a joué les tours en Indre-et-Loire. Louise Baudet était sur place. D'abord, un immense éclat de rire devant le parcours en boucle de la manif parisienne. Ça résume le quinquennat, s'amuse Arnaud Montebourg, leader du projet français pourfendeur du hollandisme. La journée a donné un triste spectacle assez dégradant pour l'autorité de l'État. On ne préside pas la France comme on gérerait les courants du Parti socialiste. Le pays est en grand danger. Dans la touffeur d'une petite salle bondée, Arnaud Montebourg s'offre un tour de chauffe, cite Jaurès, Lamartine, Bourdieu, Gambetta, par le renouveau démocratique et sauvetage d'une boîte en faillite. L'Europe. En faillite ? Bah oui, elle nous a prolongé des années dans la crise, là où tous les autres continents en sont sortis, parce que les politiques se sont rassemblés au centre, droite, gauche, indifférenciée, et que la seule alternative qui est offerte aujourd'hui au peuple français est le Front National. D'où le fameux projet France pour la candidature. On verra plus tard, même si le public n'est pas dupe. Il a une vraie dimension présidentielle. Je crois que c'est rassurant pour la gauche. Moi, je pense que c'est plutôt rassurant quand on met les idées avant les personnes. Après, on se fait pas non plus d'illusions sur ses ambitions et c'est plutôt une bonne chose également. Quand on lui parle candidature, lui ne rigole pas. La primaire du PS, il n'a pas confiance. Les discussions avec les autres candidats, il évacue sèchement. Arnaud Montebourg, le pied sur le frein, ça peut arriver de faire un projet pour rien. Louise Baudet, l'Euro de football. On passe aux choses sérieuses. Les matchs à élimination directe, début des huitièmes de finale à partir de samedi. Fin des matchs de poule hier, avec plusieurs sensations pour ce premier tour. Franck Ballanger. Le Pays de Galles, l'Islande et la Hongrie sont les grandes sensations du premier tour. Le Pays de Galles qui termine en tête du groupe B devant le cousin anglais. La minuscule Islande, invaincue et deuxième du groupe F devant le Portugal. Et puis la Hongrie qui termine en tête de ce même groupe F emmenée par Gábor Királyi, son gardien de 40 ans, un peu bedonnant et surtout très étonnant avec son survêtement trop grand. Du côté des favoris, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Angleterre et la Croatie s'en sont sortis sans encombre. Alors que Zlatan Ibrahimovic et la Suède ont déçu, l'ancien buteur du PSG met un terme à sa carrière internationale sur une dernière place dans le groupe E. Le géant mégalo avait sans doute rêvé plus grand. Le gallois Gareth Bale aura été l'une des stars attendues à tenir son rang. Le portugais Cristiano Ronaldo s'est réveillé hier soir avec un superbe doublé. Le polonais Robert Lewandowski et l'allemand Thomas Müller n'ont toujours pas marqué, mais leurs équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. L'Euro va enfin pouvoir commencer. C'est très bien comme ça. Rappelons que la France sera opposée à l'Irlande en huitième de finale dimanche à Lyon. Autre choc à signaler lundi, Italie-Espagne au Stade de France. Toutes les affiches des huitièmes de finale sont sur notre site internet franceinfo.fr. Rémi Inc pour le journal, il est 8h09. L'info revient à 11h. Et 10h09 à La Réunion, et un petit coup d'œil sur le temps aujourd'hui. Un temps plutôt bien ensoleillé, nous précise Météo France. Et à cette mi-journée de jeudi, le temps...